Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc, en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes de retour avec vous pour un nouvel épisode de Faut qu'on en parle. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du marché de l'immobilier, un secteur qui ne cesse d'évoluer et qui peut parfois sembler aussi complexe qu'attrayant. Que vous soyez en quête de votre première maison ou d'un investissement lucratif, ou bien même d'une nouvelle opportunité de développement, comprendre les subtilités de l'immobilier est essentiel. Pour démystifier ce monde, nous avons le plaisir de recevoir des experts du domaine. Ils partageront avec vous leurs conseils avisés pour dénicher les meilleures affaires immobilières. N'oubliez pas que cette émission de Faut qu'on en parle est aussi la vôtre. Participez activement en nous faisant part de vos réactions. Pour interagir, vous pouvez utiliser le hashtag FQEP sur les réseaux sociaux ou laisser un message sur notre répondeur, le 07 839 839 75. Et pour animer ce débat avec nos invités et moi-même, bien sûr, je suis accompagné de Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir, bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Dans le tourbillon du marché immobilier, savoir distinguer les bonnes affaires des pièges peut faire toute la différence. Comment naviguer entre les opportunités et les mirages pour réaliser l'achat parfait? Quelles méthodes permettent à certains de se distinguer ou de réussir là où tant d'autres restent en marge? La recherche de la perle rare immobilière ne se limite pas à scruter les annonces. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses du métier. Négociation, promoteur, courtier, nos invités partagent leurs conseils et leurs stratégies pour vous aider à trouver et à sécuriser les meilleures transactions. La quête du logement idéal et de l'investissement immobilier rentable en France se heurte aujourd'hui à une double problématique. La crise du logement qui s'intensifie et la prolifération des locations de courte durée, à l'instar d'Airbnb, ces facteurs qui transforment le marché, rendant la recherche de la bonne affaire plus complexe que jamais. L'importance du réseau et du bouche à oreille dans l'immobilier ne peut être sous-estimée. Comment construire et utiliser son réseau pour accéder à des offres exclusives, souvent hors marché? Les conseils de nos experts vous guideront dans la création de ces alliances stratégiques, essentielles à toute bonne affaire. Immobilier, comment trouver la perle rare? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons Tanguy Campo, qui est directeur d'agence à Campo Immo. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Luc, bonsoir Mylène. On a Maxime Morin, agent immobilier chez IAD. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous avons aussi Carlos Diaz avec nous, qui est directeur d'agence et courtier en prêt immobilier chez Anderson Consulting à La Ciotat. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et enfin, Muriel Scarcelli, qui est au service juridique de la promotion immobilière chez SN Immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque nous avons partagé le sommaire en vidéo de cette émission sur l'immobilier sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été nombreux à nous poser beaucoup de questions. Sans plus tarder, plongeons directement dans le sujet avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu peux nous résumer en quelques chiffres le marché immobilier en France? Oui, depuis 2014, le marché de l'immobilier n'a cessé de croître. On comptait en 2014 689 000 ventes dans l'ancien et 202 000 dans le neuf, alors qu'en 2021, nous sommes montés à 1 172 000 ventes dans l'ancien et 265 000 dans le neuf. Les ventes se sont donc effondrées aussi avec l'inflation par la suite et la hausse des taux pour redescendre à un niveau de 876 000 logements anciens en 2023. Et oui, la crise est passée par là. Mais est-on vraiment au bout du tunnel? Et Luc, il semble que les ventes de l'ancien sont plus dynamiques que celles du neuf, n'est-ce pas? Oui, clairement, le neuf reste à peu près stable, même si on note tout de même une diminution dans des trois dernières années. Mais l'on parle de quelques dizaines de milliers de logements à l'année. La dynamique est allée du simple au double entre 2009 et 2021 sur l'ancien. Et où en est-on en France sur la propriété? Les Français sont à 58% propriétaires de leur logement. On préfère clairement investir dans la pierre. Plus les années passent et plus les Français souhaitent être propriétaires, dans les années 80, le taux était inférieur à 50%. Alors avant de vous donner tous les meilleurs conseils avec nos invités en plateau, nous passons tout de suite aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Alice qui nous écoute du côté du Mans. Je veux acheter depuis 5 ans, mais je ne trouve rien à mon goût. Je suis vraiment dépité, je ne sais pas quoi faire. C'est soit trop cher, soit trop moche. Tom de Paris, 32 visites en un an, mais toujours pas trouvé mon appartement. Entre les prix exorbitants, les prêts avec des taux hyper élevés, rien ne va. Et oui, c'est clairement compliqué, hein. Et pour commencer ce débat, on entend souvent dire que la recherche d'un bien est un calvaire, que c'est très très compliqué. Quelles sont les premières étapes à entreprendre pour trouver l'appartement ou la maison de ses rêves ? Maxime, par exemple. Merci de me donner la parole. Je pense que pour commencer, il faut établir son budget. Donc là, on a Carlos qui est là, qui va nous en parler tout à l'heure. Effectivement, j'étais loin du micro. Faut établir son budget, faut vraiment se fixer un plan, savoir ce qu'on veut, exactement les raisons pour lesquelles on achète. Et puis derrière, rechercher, faire beaucoup de veille concurrentielle, regarder depuis combien de temps les biens sont à la vente, visiter. Effectivement, là, j'ai entendu qu'un auditeur avait fait 32 visites. Peut-être pas 32, la moyenne est un peu inférieure en France, mais ne pas hésiter à faire des visites pour justement connaître le marché, parce qu'on a tendance à dire que les acheteurs qui sont aguerris connaissent très bien le marché justement, et ça c'est une chose qui est très importante. Donc se familiariser avec le marché, voir ce qu'on veut et surtout se dire qu'est-ce que je ne veux pas, parce que c'est ce qui est important. Et après, avec un bon courtier, avec un bon partenaire, on peut justement se dire en rajoutant 20 000 euros de plus sur 20 à 25 ans, on peut peut-être trouver cette fameuse perle rare dont on parle. Donc moi, je pense que les choses, c'est ça. Et puis aussi, aller voir les professionnels, ne pas hésiter à poser les questions. On est aussi là pour y répondre. On est là pour conseiller avant tout les acheteurs. On est là pour leur dire, votre projet, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour le rendre viable? Il y a des choses. Aujourd'hui, on en a parlé avec les passoires thermiques. Peut-être aller sur des biens anciens, faire quelques travaux. On peut aussi recommander des professionnels dans ce secteur d'activité. Donc, il y a des possibilités. Après, il faut juste en discuter et s'orienter vers des professionnels. Effectivement. Quelque chose d'autre à rajouter, peut-être Tanguy, sur le sujet ? Je pense que Maxime a vraiment bien résumé. Bien résumé. Moi, ce que je vais peut-être ajouter, en fait, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet et tout ça, on a de plus en plus d'acheteurs qui ont envie de se débrouiller eux-mêmes pour trouver leurs biens. Et ça, c'est vraiment pour le petit coup de pouce. Et en fait, c'est vrai que se diriger vers les professionnels, parfois, ça fait gagner beaucoup de temps et au final, ça fait gagner de l'argent aussi. OK, toute la partie s'informer du marché et tout ça, oui. Faites-le, informez-vous, connaissez votre marché, connaissez les biens qu'il y a à la vente parce que c'est comme ça que vous ferez un bon investissement. Mais faites-vous accompagner par les bonnes personnes aussi parce que franchement, il y a beaucoup de biens sur le marché, il y a beaucoup d'acheteurs, de vendeurs et dans tout ça, on peut facilement s'y perdre en tant qu'acquéreur. Donc si on est accompagné par des professionnels qui savent nous accompagner, nous donner les bons conseils juridiques et administratifs et aussi commerciaux, on s'en sort plutôt bien pour l'acquisition d'un bien immobilier, voilà. Un des critères, tu as commencé à en parler, Maxime, tout à l'heure, peut-être le plus complexe, c'est le budget. Comment on définit un budget en tenant compte de tous les frais annexes, le notaire, les agences, la rénovation ? C'est ça, je pense que je vais laisser la parole à Carlos sur ce sujet-là, mais effectivement, il y a plein de frais annexes qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire qu'il faut d'abord aller voir son courtier ? Exactement, c'est la raison pour laquelle j'ai directement dirigé le débat vers Carlos. Merci. Donc nous sommes de plus en plus sollicités, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, avec la crise que nous avons eue en 2023, ça a été un peu compliqué. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous appelle de plus en plus pour justement ces budgets-là, car beaucoup de clients vont voir leur banque, comme le disait Maxime tout à l'heure, mais ils oublient des fois de dire que, par exemple, ils ont un petit crédit, ou ils ont une petite LOA, ou ils ont un leasing. Donc ça peine un peu pour les prêts plus tard. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant que courtiers, nous sommes là pour justement remédier à tout ça et faire le nécessaire pour voir tout ce qui se passe chez les clients pour justement que les conseillers aujourd'hui immobiliers n'aient pas de problème pour le compromis. Donc oui, il faut effectivement clairement d'abord passer un coup de fil à son courtier pour définir le budget. C'est ça, Maxime ? Exactement. Merci Carlos, c'est ça, c'est que... Et puis, il y a des choses qu'on ne prend pas en compte. Parfois, y a des revenus fonciers, il y a aussi des salaires qui vont augmenter dans le temps. Par exemple, des professions médicales ou quelqu'un qui finit ses études, on sait que sur les 3-4 prochaines années, on sait que le salaire va augmenter. Donc, un partenaire comme un courtier va prendre tout ça en compte. Il va pouvoir dire, je vais orienter mon client vers cette banque. Et je pense que c'est très important de prendre tout ça en considération parce que souvent, moi, j'ai des clients qui viennent me voir, je leur dis, mais est-ce que vous avez consulté une banque ou un courtier ? Et puis, ils me disent non. La problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que si vous allez voir une banque et que vous lui dites, j'ai un projet immobilier, ils vont vous dire, revenez me voir quand vous avez trouvé un bien. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on dit, bah oui, mais si je veux trouver un bien, il faut que je connaisse mon budget. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers un courtier qui, lui, pourra vraiment faire une étude de financement et qui dira, bon, bah, tu peux aller jusqu'à tel budget. Et puis, on a toujours des petites choses sur lesquelles on peut jouer pour, voilà, on le sait, je pense que Carlos en parlera, mais rajouter des annuités ou alors lisser des prêts. Enfin, voilà, il y a des petites méthodes qui permettent justement d'augmenter son budget de 10, 20, 30 000 euros et qui peuvent parfois permettre d'aller chercher cette perle rare, justement. Et dans cette période où les taux immobiliers sont très hauts, les taux d'emprunt sont très hauts aussi, bah les courtiers, c'est les meilleurs partenaires des banques aussi, donc ils peuvent vraiment négocier des taux qui sont très intéressants. Et là, en étant seul face à son banquier, c'est pas forcément évident, surtout en ce moment. Oui, effectivement, c'est très compliqué quand on est tout seul. Donc nous, on est là justement pour les accompagner et tout au long de la procédure, c'est-à-dire qu'au départ, au compromis, on peut être avec eux, ainsi qu'à l'acte définitif. Donc on sait tous que cela dure à peu près 3 mois. Donc on les accompagne tout au long de ces 3 mois. Donc si un bien est à 100 000 euros, mais que j'en vois un à 120 000 euros, c'est possible. On ne ferme pas les yeux, on se laisse... On ne ferme pas les yeux parce qu'on peut essayer de trouver des solutions quand vous êtes par exemple primo-accédant. Vous avez des petits avantages que d'autres n'ont pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder tout le contour du problème quand il y en a un. Quoi. D'accord, pour bien définir effectivement le budget. Quels sont les critères essentiels à considérer pour ne pas se tromper clairement dans le choix de son futur appartement ou sa maison type, je ne sais pas, l'emplacement, la taille, l'orientation, etc. C'est très important ça, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. C'est très vrai, c'est très vrai. Merci Luc pour cette question parce que c'est le plus important. Et souvent, on entend dire, souvent les anciens le disent, tu sais, quand tu veux acheter un bien immobilier, il y a 3 facteurs, l'emplacement. Bon, ils ont pas raison, mais ils n'ont pas totalement tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'emplacement, oui, c'est très, très important parce que si on achète dans un secteur qui est une valeur sûre, on sait qu'on n'y perdra pas dans le temps. Par contre, aujourd'hui, moi, un des conseils que je peux donner à nos auditeurs qui souhaitent acheter un bien immobilier, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'excentrer un peu. Parce que justement, toute la demande se cristallise sur certains secteurs. Et y a des secteurs qui sont en devenir. Il y a des infrastructures qui vont être construites. Aujourd'hui... Non, donc, il faut bien analyser. Il faut bien analyser tout ça. On peut faire une bonne affaire, finalement. Tout à fait. Je pense que il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. On s'endette quand même sur 20-25 ans. Ça a un coût qui est très important. On le sait aujourd'hui, tu en as parlé tout à l'heure, le rapport au logement qu'ont les Français est historiquement très important. La France est un pays de propriétaires. Donc, je ne pense pas qu'on doit prendre ce projet à la légère. Donc, effectivement, je pense qu'il faut s'excentrer. Et on l'a vu, hein, moi, j'ai des clients que j'ai accompagnés pendant des années. Ils ont acheté dans des secteurs où personne n'aurait mis un copec. Et au final, dans le temps, ça a commencé à prendre de la valeur. Est-ce qu'ils ont eu du flair ou est-ce qu'ils se sont simplement dit « j'ai pas envie d'être dans un épicentre, je vais aller un peu en périphérie ». Et effectivement, aujourd'hui, la périphérie, c'est devenu quelque chose de... Alors justement, c'est complètement raccord avec le neuf, ça. Parce que comment on fait aujourd'hui pour trouver des terrains, par exemple? Du coup, peut-être que les logements neufs, Muriel, s'implantent dans des futures zones à haut potentiel? Alors, le promoteur immobilier, il a de plus en plus de mal à trouver des terrains à bâtir. Le terrain à bâtir, c'est un élément qui devient de plus en plus rare. Effectivement, au départ, on a une zone urbaine qui est très centralisée, mais compte tenu que les constructions sont très denses, à ce moment-là, cette zone urbaine, elle s'étale. Et ça permet effectivement donc de pouvoir construire des projets. Je reviens 2 secondes sur le principe du budget, sur le principe de l'emplacement dans le cadre d'un bien immobilier. Il ne faut pas quand même oublier que dans le budget d'un bien immobilier, en fonction de l'emplacement et en fonction de la taille de la ville, il y a un critère qui est très important, c'est la taxe foncière. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des personnes qui vont être très intéressées pour s'implanter dans une grosse ville avec des infrastructures, avec des écoles. Sauf que la problématique, c'est qu'ils vont avoir de lourdes charges au niveau du foncier. Et ça aussi, il faut le voir au niveau du budget. Je reviens 2 secondes sur le promoteur immobilier. Les terrains sont rares, les terrains sont de plus en plus chers et automatiquement, ça a un impact sur la construction et sur la vente au profit du particulier. Effectivement. Je veux rajouter, pour la dynamique du coup de la promotion immobilière, c'est vrai, en plus, nous, ce soir, on est enregistré depuis le sud de la France, donc le sud de la France est quand même très, très saturé, très cher. Mais quand on regarde par rapport à toute la France, aujourd'hui, on a de plus en plus d'activités qui se développent au niveau des promotions immobilières sur du recyclage urbain. On voit de plus en plus des silos, des hangars, des anciens gymnases, où on peut citer Nice aussi, où ils ont carrément aménagé un terrain de foot en plusieurs appartements de promotion immobilière. Donc, je pense qu'il y a, il y a ce côté positif. C'est juste pour apporter un peu de positif à cette conversation. Hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut quand même qu'on entende que ça reste quand même un marché qui est optimiste malgré les difficultés qu'on rencontre. Et c'est mon point de vue, et je pense qu'il faut pas avoir peur, même si les temps sont un petit peu instables, parce que en fait il y a toujours des critères qui peuvent un peu rebuter les acquéreurs quand ils se retrouvent face à l'acquisition d'un nouveau bien. Et en fait c'est les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, il y a 10 ans, certains acquéreurs ont rencontré d'autres, et c'est exactement la même chose. Tout à fait. Alors, sur la réhabilitation de l'ancien, oui, je te suis, effectivement, ancien silo, ancien hangar, on le réhabilite, on en fait des logements et on revend. C'est pas tellement intéressant pour un promoteur immobilier. La réhabilitation d'un immeuble ancien, c'est très coûteux. Donc un promoteur immobilier... Vaut mieux détruire et reconstruire ? Oui. Carrément. Il vaut mieux détruire, reconstruire ou carrément partir sur du terrain à bâtir. Alors effectivement, compte tenu que les terrains sont très rares, ben on part sur la réhabilitation. Mais enfin bon, c'est pas ce que recherche le promoteur immobilier de prime abord. Et quand on voit une annonce sur les plateformes, sur les sites des agences immobilières, est-ce qu'on peut vraiment se fier aux photos et aux descriptions, ou comment on apprend à lire entre les lignes? J'aime bien appeler ça le syndrome un peu syndrome Instagram, c'est-à-dire que non, mais les photos on a des super photos, la lumière elle est hyper belle, oui, Photoshop, on veut tout savoir. Ouais, je me suis déjà retrouvé dans le cas où justement c'était un client qui se débrouillait plutôt pas mal dans la photographie et la communication. C'est lui qui a fait ses photos. Voilà, donc il a fait ses propres photos, il me les a présentées, il a dit voilà, j'ai mon appartement à vendre et tout ça, il faudrait que tu viennes voir, faut que tu fasses une estimation, là c'est top et tout. Et je suis arrivé. Et je me suis dit, ah ouais, franchement, tu prends des super belles photos. Parce que les photos, elles ressemblaient pas du tout. Enfin, c'est pas elles ressemblaient pas du tout, mais elles étaient très, très avantageuses par rapport à ce à quoi ressemblait le bien. Et du coup, bon, et c'est pareil, tout à l'heure, je faisais allusion au fait qu'il y a de plus en plus de particuliers qui veulent faire du particulier à particulier. Visiter, en fait, les biens, aller les voir. Inspecter, regardez ce qui se passe. La photo, ok, d'accord, ça vous attire du premier abord, mais vous achetez pas une photo, en fait, vous achetez un nouveau lieu de vie ou un investissement, donc allez voir, visiter. Ouais, mais ça permet de générer le petit... Absolument. Et la visite virtuelle aussi, ça aide pas mal, ça, aujourd'hui. On en fait beaucoup avec le téléphone, où on a, on a l'acquéreur de l'autre côté, puis on lui fait visiter le bien en visio. Des visites par drone, voilà. Aussi, ça se fait. Pour des appartements, oui. Peut-être moins, oui. Mais pour des maisons. Ouais, absolument. Ça se fait, ça, Maxime, visite par drone. Depuis le confinement, on a essayé d'utiliser de beaucoup d'imagination pour essayer d'innover exactement, pour pouvoir continuer l'activité. Donc effectivement, la visite virtuelle s'est démocratisée réellement à ce moment-là. Pour répondre à la question de Mylène tout à l'heure, ouais, une annonce immobilière, déjà, il faut se mettre à notre place. Même en tant qu'acheteur, il faut se mettre à notre place. Moi qui commercialise un bien, je suis agent immobilier, à quoi sert la photo? La photo, elle sert à attirer le client. Donc oui, la photo, c'est réellement le bien que je vais mettre en vente, mais je vais choisir un angle qui est flatteur. Le grand angle est notre meilleur ami, c'est ce qui nous permet de prendre les petites pièces en photo, effectivement. Donc ça peut arriver que les clients disent « Ah bah, ça paraît un peu plus petit en vrai que sur les photos ». Bon, forcément. Aujourd'hui, l'annonce... Ça permet de tout voir. Exactement, aussi. Mmh. Voilà, ça permet d'avoir une belle perspective sur la pièce. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est très important de voir les photos, mais surtout, tu l'as dit, Mylène, c'est de lire le texte d'annonce. C'est-à-dire que dans le texte d'annonce, on va avoir tous les détails et on va avoir les diagnostics immobiliers. Je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Et c'est des choses qui sont importantes. Donc, je reviens sur ce que Tanguy disait. Effectivement, il faut visiter. Il faut visiter parce qu'il faut déjà nouer une relation avec les professionnels de l'immobilier, parce qu'ils vont nous donner plein de conseils. On va voir les biens. Donc, le fait de voir les biens, bah, c'est ce qui nous permettra derrière d'être un peu plus aguerri en tant qu'acquéreur. Et puis derrière... Bah, je pense que c'est à ce moment-là où l'agent immobilier va nous envoyer des documents. Parce que c'est ces documents, en réalité, qui sont importants. Mmh. Muriel l'a dit tout à l'heure, la taxe foncière, les derniers procès-verbaux des assemblées générales, les derniers appels de fonds. Oui, c'est sûr, parce que si on achète un appart dans un immeuble et qu'à l'assemblée, il faut faire un ravalement, il y en a pour 20 000 balles, là, c'est beaucoup moins drôle. Tout exactement. C'est presque des frais cachés, ou bah, pas cachés, mais il faut analyser tous ces documents. Et c'est là où nous, en tant que professionnels, on est obligés de vérifier tout ça. C'est-à-dire que moi, quand je commercialise un appartement... Déjà, au moment où je fais mon estimation, je prends tout ça en compte. C'est-à-dire que je regarde les derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale, et si dans ces procès-verbaux, je vois qu'il y a des devis ou des appels d'offres qui ont été faits pour un futur ravalement de façade, ce qui se démocratise aujourd'hui, ça se fait de plus en plus parce qu'on est donc en train ça, de ça, c'est vraiment le job de l'agent immobilier. C'est clairement la plus-value que l'agent peut apporter à un particulier. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est un gain de temps, oui, pour la recherche, mais c'est un gain d'argent aussi qui est... énorme, parce que en fait c'est un métier, c'est un peu difficile parce que l'agent immobilier, il est pas trop considéré comme un professionnel, alors qu'en fait justement c'est l'occasion d'en parler ce soir. Et oui, non, mais c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte et beaucoup de... En général, on pense qu'il est là que pour l'entremise, c'est-à-dire trouver l'acquéreur. Voilà. C'est ce que pensent les gens. C'est un professionnel de l'immobilier et en fait il est là aussi pour déjouer certains pièges. Et plus particulièrement, quand il visualise le titre de propriété du vendeur, ben, il se regarde aussi s'il n'y a pas des servitudes, s'il n'y a pas éventuellement un cahier des charges dans le cas d'un lotissement. C'est là où il y a vraiment un rôle de conseil. Voilà, c'est un véritable rôle de conseil. Et puis, mais c'est un professionnel de l'immobilier. Et il ne fait pas que envisager une rencontre entre un acquéreur et un... C'est souvent le raccourci qui est fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont laissé des messages sur notre répondeur, le 07 839 839 75, qui ne voyaient pas la plus-value en fait, d'un agent immobilier, en gros prendre sa com. Voilà, on a eu des messages comme ça, Le comprends. C'est un cliché peut-être. Je comprends qu'au premier abord, un acheteur ou un vendeur se dise « mais pourquoi je n'essaierai pas tout seul par moi-même ?» Je le comprends. Mais généralement, les gens en reviennent. Si tu veux, parce qu'ils ont une première expérience qui peut bien se passer, mais la deuxième, bah, elle va être compliquée parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a un travail dans l'ombre qui est énorme. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai parlé un peu de la copro. Il y a Muriel qui est là, qui fait beaucoup du terrain à bâtir. Donc effectivement, on peut parler de servitude, on peut parler de cahier des charges. Pour les terrains, il y a aussi des diagnostics. Donc il y a toutes ces choses-là où nous... C'est notre devoir de conseil de dire tout ça à l'acquéreur et de le conseiller sur ça. C'est-à-dire que moi, l'acquéreur, il va lire un procès-verbal d'assemblée générale, il va me dire « Ah oui, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, est-ce que ça a des incidences ?» Et moi, avec mon expérience, mon rôle, c'est de lui dire « Bon, bah alors là, ça va se passer comme ça, ça, vous en faites pas, c'est pas très important. » Il y a le notaire qui, derrière, viendra valider tout ce que j'ai dit, mais effectivement, c'est ce qui lui permettra de passer à l'acte d'achat ou pas. Et je pense que de se passer d'un professionnel de l'immobilier, c'est entre guillemets prendre un peu un risque. On joue un peu à la loterie parce que je pense que tous autour de la table, si demain on vend notre bien immobilier, on n'est pas objectif. On n'est pas objectif. C'est normal. C'est normal. C'est le meilleur, c'est le plus beau, on est au bon prix, alors qu'en fait, peut-être pas. Exactement. Ouais. Et y a des choses qui nous semblent pas très le importantes. Le cliché de « je l'ai acheté tant, j'en veux au moins tant », alors qu'en fait, c'était il y a 10 ans ou 15 ans, et si le marché s'est écroulé, parce que ça arrive dans certaines villes. Exactement. Et puis Luc, nous, par exemple, le propriétaire, il y a des choses qui vont lui sembler pas très importantes de communiquer le vendeur à l'acquéreur. Et pourtant, ça l'est, parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères. C'est-à-dire que le vendeur qui dit « non, mais ce qu'il y a sur le procès-verbal d'Assemblée Générale, ou le fait que les charges augmentent, ou des choses comme ça, c'est pas très grave. Hein. Moi, je m'en accommode depuis des années. » Oui, j'ai l'habitude, ça augmente de 2% par an. Exactement. Et pour un acheteur, ça va être très, très important, voire primordial. On peut parler de plein d'autres choses, de où va l'eau pluviale, etc. Et le vendeur, il peut dire « non, mais ça, c'est pas très important, j'en parle pas à l'acquéreur. » Nous, on a ce devoir de conseil, donc un acquéreur qui passe par un professionnel de l'immobilier, c'est quand même une garantie. Et c'est à l'issue de ces conseils, Maxime, que c'est là que tu enclenches le processus de l'avant-contrat, finalement. Parce qu'il y a un climat de confiance qui est installé, l'acquéreur, il est valablement renseigné, et c'est là qu'il enclenche donc son processus de signature d'avant-contrat. J'aimerais juste rajouter quand même par rapport à tout ce que tu as dit pour renforcer la légitimité professionnelle de l'agent immobilier, c'est que quand même c'est une profession qui est encadrée par la loi Auguet et qui demande justement à avoir les connaissances juridiques, les connaissances administratives, avoir aussi les garanties financières et les assurances professionnelles qui permettent d'exercer l'activité. Donc, c'est une activité qui est régulée. Les personnes qui exercent en tant qu'agent immobilier ont ce devoir au niveau juridique et de conseil, mais aussi une certaine déontologie à respecter quand il exerce son métier. Et, Et c'est une profession qui est encadrée et il faut se faire accompagner. C'est ce que j'allais dire, parce que beaucoup de commentaires ont dit aujourd'hui n'importe qui devient agent immobilier, on en voit de plus en plus, etc. Mmh. Comment on reconnaît un vrai et bon agent immobilier avec toutes ses connaissances? Je peux y répondre. Maxime, alors, comment on en reconnaît un bon? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour être agent immobilier, avec le statut d'agent immobilier en France, c'est réglementé, comme l'a dit Tanguy, il faut être titulaire d'une carte T. La carte T, soit il y a des équivalences professionnelles pour l'avoir, soit il faut un BTS PI, donc profession immobilière, une licence en droit, qui nous permette de demander au CCI cette fameuse carte T. Donc ça, c'est vraiment l'agent immobilier. Ensuite, derrière, tous ceux qui gravitent autour de l'agent immobilier sont des agents commerciaux. Un professionnel, on le voit assez rapidement, on le voit aux photos, s'il est renseigné, si vous tombez... Il y a de tout dans tout, je vous dirais, hein, des bons et des mauvais professionnels dans tout. Moi, je ne vais pas jeter la pierre. Mais un bon agent immobilier, c'est celui qui sera transparent. Il va répondre. Et si, parce que s'il ne sait pas, il peut le dire, bah, je vais prendre l'information, exactement, je vais me renseigner, par exemple. Exactement, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut ne pas savoir. Hein. On n'a pas la science infuse. C'est de dire, bon, bah, ça, je ne le sais pas, je vais me renseigner. Un bon agent immobilier, c'est s'entourer. On travaille avec des courtiers, on travaille avec des notaires, on travaille avec toutes sortes de personnes qui nous permettent de pouvoir conseiller le client et l'amener vers son achat. Donc, tout le monde ne peut pas devenir conseiller ou agent immobilier, mais je pense qu'il faut vraiment un savoir-être et acquérir un savoir-faire pour perdurer dans le temps. Donc, quelqu'un qui n'a pas les compétences requises, de toute façon, restera 6 mois dans le métier et vous ne le verrez pas. C'est pas du relationnel comme ça, c'est pas il vendait du papier, il va se mettre à vendre de l'immobilier. Ça marche non, pas comme ça. Il y a une formation. Et puis, il y a la notion de réseau aussi qui est très importante, je pense, dans l'immobilier. Dernière partie d'émission, ouais. On fera un focus un peu sur vos métiers en deuxième partie. On parlait photos et descriptions tout à l'heure. On avait une question de Lucas qui nous dit: je suis propriétaire, je veux vendre mon bien, est-ce que je dois mettre mon annonce avec ou sans les meubles? Alors, moi je fais de l'ancien, c'est très simple. Cette question, c'est une bonne question et c'est rigolo. Et pour le coup, ça fait 10 ans que je fais de l'immobilier et donc j'ai un peu mes chiffres, j'aime bien les statistiques, tout ça. C'est très clair, hein, de toute façon, un bien qui n'a pas de meubles paraît toujours plus petit qu'un bien meublé. C'est-à-dire que quand il y a, et j'en parlais avec Carlos en venant dans la voiture, moi j'ai souvent eu recours au homestaging. Je sais pas si les auditeurs, ça vous parle. Comme dans mes célèbres émissions de télé, c'est exactement. Ça. Exactement. Eh ben, il faut savoir que ça marche. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Pourquoi c'est rendre sa maison instagrammable. Exactement. C'est un peu ça. Merci Tanguy. je vais réutiliser ce terme. Ouais, c'était pas mal. On va créer un truc. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce que en fait, systématiquement, le client va dire non, mais je suis pas sûr de pouvoir mettre un canapé ici, je suis pas sûr de pouvoir mettre un lit. Et qu'est-ce qui est important pour un acheteur, c'est de pouvoir se projeter. Et l'acquéreur pourra plus facilement se projeter dans un bien qui est meublé que dans un bien qui est vide. Mais vraiment, après, il faut que ce soit des meubles neutres, etc. Parce que si on met des vieux meubles de mémé, c'est pas très vendeur. Il faut pas que ce soit trop chargé. Mettez des petites plantes vertes. Si vous avez un mur qui est rouge, essayez de le peindre en taupe ou en blanc. Enfin voilà, c'est des petits conseils tout simples, mais je vous assure. Vraiment, neutre mais propre. Je vous assure que ça a une incidence énorme sur le délai de vente et même sur le prix. C'est-à-dire que c'est des petits détails qui font la différence. Absolument. En règle générale, quand on vend un immeuble ancien, on laisse obligatoirement la cuisine avec tous ces meubles meublants. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on vend un bien ancien, l'acquéreur va être soumis au droit d'enregistrement. Le droit d'enregistrement aujourd'hui est de 5,89%. Lorsque le bien est vendu avec du mobilier, le mobilier n'est pas soumis à cette taxe. Donc, ça peut faire des économies à l'acquéreur selon la valeur du bien immobilier. C'est pour ça qu'effectivement, dans les actes de notaire, c'est séparé, ça. Tout à fait. Pour pas payer la taxe. Donc, on fait une ventilation du prix. Hein, donc, on a un prix global et on le ventile avec la valeur du bien immobilier et la valeur du mobilier. Et c'est pour ça que... Alors, le notaire, lui, il prend bien entendu ses honoraires sur le prix total, mais l'administration fiscale ne taxe que la valeur du bien immobilier, je rappelle, à 5,89%. Donc, dans un appartement à 300 000 euros, on peut avoir une cuisine à 200 000, ça passe? Non, il y a des règles. Attention. Bon, déjà, l'administration fiscale demande, quand il y a des sommes quand même conséquentes relatives au bien immobilier, ben, qu'on fournisse les factures, sinon bon, oui, bien sûr. Il faut quand même être à hauteur de 5%. C'est ce qui se pratique, un maximum de 5%. Comment on peut optimiser ces visites d'appartements ou de maisons pour évaluer rapidement le potentiel d'un bien? Tanguy, Maxime, ça, j'ai une super technique. J'ai un tuyau. Quand j'accompagne mes clients, moi, pour les visites, bon, c'est vrai que je me spécialise surtout sur le neuf. Donc du coup, quand j'ai sur le neuf, j'ai une note technique. Mais là, on parle de l'ancien, donc je vais vous donner mon petit tuyau. Et après, Maxime donnera son tuyau. Alors, je dis directement à mes clients, écrivez vos critères de recherche et mettez-moi un numéro à côté d'importance. Et c'est ce qu'on va appeler votre coefficient de préférence, votre coefficient amour, votre coefficient coup de cœur, en gros. Et donc, ils font ça. Moi, je leur fais scanner. Voilà. Et après, ils ont leur petite fiche pour faire leur petite visite. Et en fait, quand ils visitent, ils cochent si ça remplit les cases. Donc, quand tu fais ta visite, t'es là, voilà, tu dis, ben voilà, je veux une piscine, ça vaut un point. Je veux une grande cuisine qui est reliée au salon, ça vaut 5 points. Je veux 3 chambres, ça vaut 4 points, voilà. Et en fait, au final... À la fin, t'as une fiche de critères, cette maison, c'est 18 points, celle-là, c'est 12. Ça fait très cartésien, ça fait très cartésien. Et ensuite, une fois qu'on est face à ces points, c'est là où aussi on peut reconsidérer le budget. Hein. Parfois, il y a vraiment des grosses différences au niveau du budget, c'est-à-dire qu'au début, on pense avoir que 200 000 euros de budget. Hein. Et en fait, au final, mais là, ça remplit vraiment nos critères. Quoi. Donc, le courtier va aller chercher la différence. Ouais, c'est là que le courtier est super important. Si on a coup de cœur, on va chercher les solutions. Ouais. C'est ça, on va trouver quelque part. Hein. Il faut aller les chercher. Quelle marge, par exemple, si on a dit on a 200 000 euros de budget au départ, admettons, prenons cette somme. Si on a un coup de cœur pour quelque chose qui vaut, je sais pas, 10, 15% de plus, ça pourrait être jouable ou pas? Ça dépend vraiment des cas après. Aujourd'hui, tout est jouable. On peut, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du primo-accédant, on peut trouver quelque chose. Au niveau de quelqu'un qui a derrière lui des parents qui puissent les aider. Qui vont faire un petit rallonge, aller voilà, 5 000 euros par-ci. Exactement, donc il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de clients qui sont mécontents de ce qu'on leur propose aujourd'hui, nous, en tant que courtiers, quoi. C'est vrai, et puis les courtiers, je pense, ce sur quoi ils peuvent jouer aussi, c'est la durée du prêt. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a ouvert un peu, et le courtier, il pourra dire, bon, vous êtes parti sur 20 ans, on peut partir sur 22. Aujourd'hui, on sait qu'on peut aller au-delà des 25. Donc, le courtier peut aussi dire, bon, en rajoutant une annuité, ça peut vous augmenter le budget de 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, c'est peut-être ce qui vous permettra d'acquérir le bien de vos rêves. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on parle de coup de cœur, évidemment. Si on a 200 000 euros de budget et on a flashé sur un truc à 400 000, c'est pas la peine. Si on a 200 000, on arrive à 215 pour peut-être que ça peut être jouable. Oui, voilà. Là, c'est jouable. Faut aller gratter à droite, après, à gauche. Là, c'est 5, 10%. C'est un autre débat, c'est le sujet de la négociation. On va y venir. Mais il y a aussi quelque chose que j'aimerais rajouter juste pour la sélection des critères. C'est que parfois, il y a des clients qui arrivent et c'est pas une liste de critères, mais c'est le deuxième amendement de la recherche de l'immobilier. Et donc, oui, très bien, parce que ça veut dire que vous avez un haut niveau d'exigence, que vous savez ce que vous voulez, mais parfois, c'est pas évident de trouver. Avec des trucs, je veux la salle de bain, la porte qui s'ouvre à gauche, mais pas à droite. C'est ça, exactement. Donc, ces personnes-là, en général, je leur dis, c'est tout simplement. Peut-être que vous n'allez pas le trouver de suite parce que vous avez beaucoup de critères de recherche. Donc, au lieu de vous mettre en tête que vous allez de suite trouver le bien de vos rêves, partez plutôt sur quelque chose de réaliste. Et après, vous aurez tout le temps que vous voulez pour chercher, mais votre argent, il est placé dans de l'immobilier. Vous ne perdez pas d'argent. Et puis, vous remboursez un crédit, oui, mais vous aurez déjà quelque chose qui prend de la valeur. C'est-à-dire que toutes ces visites, plutôt que de rester à faire 30, 40, 50, 60 visites, au bout d'un moment, allez-y. Franchissez le pas, c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que ça, on parle de grandes sommes, mais franchissez le pas et vous verrez, après vous y retrouverez au final. Parce que si vous avez acheté, après il faut prendre en considération un bien que vous sentez qui va être potentiellement bien à revendre et qui va prendre de la valeur, allez-y, faites vos recherches et vous verrez que vous y retrouverez. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Tanguy. Ouais, ça c'est très intéressant parce que là, on parlait de oui, qu'est-ce qui peut permettre d'acquérir le bien qu'on souhaite. Est-ce que s'il est 10% au-dessus de notre budget, on peut le faire ou pas? Moi, ça m'est arrivé plein de fois que des acquéreurs me disent, je suis en début de recherche, il faut que je continue de visiter pour acheter, pour me projeter. Donc là, la question se pose, est-ce qu'on ira jusqu'à 32? Mais c'était justement la question parce qu'on tourne beaucoup autour de ça. Combien faut visiter d'appartements? Il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années où on disait que c'était autour d'une quinzaine de visites pour un acheteur. Ouais, après, cette étude, c'était un peu avant les années 2018-2019 où le marché a vraiment commencé à être très tendu. Et dans ce marché-là, les acquéreurs, si vous voulez, ils savaient que si c'était pas que eux qui achetaient, c'était l'acheteur d'après. Donc, nous, ce qui est très difficile dans notre position, c'est qu'il y a 2 ans, un acheteur faisait une offre au prix à la première visite, même si c'était la première visite qu'il faisait, parce qu'il avait peur que ça lui passe sous le nez. Aujourd'hui, on est dans le cas inverse, sauf que les acquéreurs pensent qu'ils sont très, très confortables, sauf qu'on peut toujours avoir des offres intéressantes. Et là où il faut faire attention, et où moi, je mets en garde nos auditeurs, c'est que parfois, ça remplit pas tout le cahier des charges qu'a évoqué Tanguy tout à l'heure, mais ils sont en début de recherche, donc ils sont très exigeants. Et puis deux mois après, ils rappellent, ils disent « Et ce bien que j'avais visité, est-ce qu'il est toujours en vente ?» Parce que finalement, je me suis dit « Ah, je peux me faire l'impasse sur tel et tel critère. » Eh ben non, il n'est plus à la vente. Et aujourd'hui, en vente, bah, il n'y a plus forcément des biens qui correspondent à votre recherche. Donc, il ne faut pas hésiter à peser le pour et le contre, à en discuter et à faire des petites concessions parce qu'au début, notre cahier des charges il est très, très chargé. Et au fur et à mesure, quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver, on a tendance à l'alléger. Donc, pour gagner un peu de temps et d'argent, moi, ce que je conseillerais, c'est dès le début de voir ces indispensables et de voir les choses où on se dit « Bon, bah, ce serait chouette que je l'ai, mais si je ne l'ai pas, ouais, ce n'est pas si grave. » Vraiment une to-do list, une liste de choses intransigeantes. Ça, c'est mandatory. Il me le faut absolument. Et c'est un point aussi qui est important quand on parle de d'immobilier neuf, hein, parce que là, on parle d'immobilier où on peut visiter, mais quand on est dans le neuf, Muriel. Mais l'avantage du neuf, c'est que finalement, quand on a un acquéreur et qu'on lui présente un plan de vente, il a ce loisir de pouvoir aménager son appartement par le biais de travaux modificatifs acquéreurs. Alors, il se peut qu'en fonction des exigences, ça va augmenter le prix de vente, certes, ou pas. Hein, ça peut éventuellement, en fonction des modifications qu'il souhaite apporter, éventuellement une moins-value dans le cadre donc, de la valeur du bien. Mais c'est vrai que si on a un acquéreur qui est très exigeant, qui a des points précis, pourquoi ne pas le projeter vers la vente d'immeubles à construire, où là, par contre, il pourra configurer son appartement comme il l'entend. Oui. Une vraie solution. Oui, vraiment, l'immobilier neuf, pour le coup, ça peut résoudre ce problème. Alors certes, le délai est plus long. Le délai de possession du bien est plus long. Bon, après, quand on visite 32 appartements, je pense que ça va aussi. On n'en est plus à quelques mois pour attendre la livraison du bien. Et puis, mais après, je sais que peut-être la plupart des personnes qui souhaitent acquérir un bien et qui après se dirigent vers le neuf, elles ont un petit peu peur de la mauvaise réputation qu'aurait pu avoir le neuf à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de garantie, mais aujourd'hui, acheter dans le neuf, c'est très sérieux. Le promoteur immobilier, ça sera toujours une bête noire. Oui. Hein, on voit le commerçant qui se remplit plein les poches. Bon, il y a longtemps que cette image, elle est désuète. Aujourd'hui, l'achat dans un immeuble neuf, vous avez notamment une garantie qui est très importante. Hein, c'est la garantie légale d'achèvement, la garantie financière d'achèvement, qui est une garantie extrinsèque, puisque c'est une banque qui se porte caution ou une société d'assurance qui, en cas de défaillance du promoteur, va injecter les fonds pour terminer l'ouvrage. Donc, quoi qu'il en soit, l'acquéreur aura son bien terminé et livré. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette mauvaise image, mais la vente d'immeubles à construire est quand même très encadrée dans le cadre des garanties légales et également au niveau des assurances. Mais même pour nous, en tant que courtier, l'année dernière, avec tous les problèmes qu'on a eus, c'était plus avantageux pour un primo-accédant d'acheter dans le neuf. Parce qu'avec le prêt à taux zéro, ils ont beaucoup plus d'avantages. Les frais de notaire réduits, les prêts à taux zéro, donc ils ont une capacité d'emprunt beaucoup plus importante. Alors le primo-accédant, il a aussi un avantage, c'est que quand on est en vente d'immeubles à construire, bon, la TVA qui s'applique, c'est une TVA à 20%, mais selon la qualité de l'acquéreur, il peut bénéficier d'une TVA à 5,5. Il peut y avoir aussi, dans le cadre de quartiers prioritaires de ville, aussi une TVA à 5,5. Donc, en fonction des revenus de l'acquéreur, il peut aussi avoir une fiscalité plus légère sur son prix d'achat. Des revenus et de l'apport. Des fois, les jeunes n'ont pas assez d'apport pour acquérir justement dans l'ancien parce que les frais de notaire sont plus importants. Et aujourd'hui, on arrive à avoir dans le neuf des frais de notaire réduits, voire absolument. Pour donner une idée aux auditeurs, sur de l'ancien, on est à peu près aux alentours de 8%, et sur du neuf, on peut être à 1,5, 2, 1. Allez, c'est pas pareil. Moi et neuf, on est 7, 8. Alors sur du neuf, je ne parle pas du taux réduit. Hein. Du neuf, c'est vrai que le prix est vendu TTC, c'est un prix TTC, c'est-à-dire que à l'intérieur, il y a une TVA à 20%, sauf que les frais de notaire tournent aux alentours de 2%. Donc forcément, ça fait une grosse différence. Dernière question sur les visites qui est pas mal revenue. On a Iris qui nous a demandé, est-ce qu'il faut visiter des biens qu'on n'aime pas à première vue pour trouver la perle rare ? Alors, je dirais pas qu'il faut visiter des biens qu'on n'aime pas. Je pense qu'il faut que ça valide quand même certains critères. Il faut que... Voilà, si on cherche un T2, on ne va pas aller visiter des T5 ou des studios. Mais je pense qu'il faut aller visiter des biens qui rentrent dans nos critères. Si on cherche un T3, ben on va visiter les T3. On va voir un conseiller immobilier qui va nous donner des conseils sur un peu tous les biens. Mais non, pas visiter des biens. Parce que là, vous allez faire perdre du temps au conseiller immobilier. Et puis, en fait, si nous, il faut se mettre à la place du professionnel qui est en face. Si le professionnel qui est en face, il voit que l'acquéreur, il visite un bien qu'il ne va pas du tout acheter... Bon, bah, est-ce qu'il prendra du temps pour le conseiller, pour l'accompagner dans sa recherche ? C'est logique. Pas forcément. Donc, non, pas visiter des biens qu'on n'aime pas. Après, attention, Iris, par contre, si c'est un bien dont la déco ne correspond pas à tes critères, ou si la cuisine n'est pas placée au bon endroit, ou si. Voilà, s'il y a des choses comme ça, c'est des choses avec des travaux qui peuvent être modifiables. Donc ça, je pense qu'il faut y aller. Si c'est, voilà, encore une fois, si c'est des travaux ou des mises en modernité à faire, effectivement, il ne faut pas hésiter à y aller. Et après, à revenir avec des artisans qui chiffreront les travaux et le budget sera établi là-dedans. Ce qui est important, d'ailleurs, je rajoute juste, c'est que quand on a des travaux, Carlos peut nous en parler, mais on peut inclure le budget travaux dans notre prix immobilier. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si il y a 40 000 euros de travaux, on a le budget qu'on a, on peut faire une négociation et inclure les travaux dans notre prêt immobilier. On peut déjà les inclure et en plus, on peut avoir un différé, c'est-à-dire que vous ne payez pas le crédit pendant que vous faites les travaux. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Donc quand vous faites des travaux dans un appartement qu'on inclut dans le financement, vous ne payez pas le prêt, vous payez que les intérêts. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Alors effectivement, lorsque l'on achète un bien à un moment donné, bah, il faut faire une promesse d'achat et là, bah, il faut clairement parler argent. Comment on doit négocier le prix d'achat d'un bien ? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour convaincre le vendeur de baisser son prix ? Je dois vous les donner ou enfin ah je sais pas on se tire on un peu une balle dans le pied ce soir. Allez, on y va. On est entre nous, il y a personne, on y va tous ensemble. Il y a personne qui nous écoute, ni personne, on est entre nous en France. Il y a pas de souci, on est dans Faux qu'on en parle entre nous autour de cette table. On peut donner les petits tuyaux. Je peux donner les tuyaux, je vais réfléchir auxquels je peux donner. Non, allez, je vais vous partager. Aujourd'hui, c'est clair que les marges de négociation sur le territoire français, et même ici dans notre région, qui est une zone assez tendue, les marges de négociation ont augmenté, mais c'est normal. Moi, un secteur sur lequel je travaille, c'est la Ciotat, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Il faut savoir qu'il y a un an et demi, deux ans, quand le marché était très, très dynamique, il y avait à peu près 400 biens en vente. Aujourd'hui, il y en a 800, il y en a le double. Les acquéreurs, le nombre d'acquéreurs n'a pas doublé. Donc, partant de ce postulat-là, on sait qu'il y a un peu moins de concurrence et que les vendeurs qui traînent un peu dans le temps, ils vont peut-être concéder une négociation. Donc la première des choses que je vous conseillerais, c'est de regarder depuis quand l'annonce est en ligne. Plus un bien est sur le marché depuis longtemps... Plus il est négociable. Techniquement, pas forcément, parce que nous, si on a un vendeur qui est à moitié vendeur, qui n'a pas vraiment envie de vendre, on va lui proposer une offre un peu en dessous du prix, il va dire non, non, moi c'est le prix ou c'est rien. Donc ça va dépendre aussi du vendeur. Effectivement, nous, on peut avoir des successions à solder. Et bah, pour payer les frais de succession, nos vendeurs, les héritiers, sont obligés de vendre. Donc là, dans cette situation-là, est-ce qu'ils préfèrent payer des pénalités ou négocier leur prix ? Ils vont négocier le prix. Quand on a des divorces, des situations comme celle-ci, effectivement, bah, on n'a plus trop envie de voir notre conjoint tous les jours dans la maison. On se dit, bon, bah, pour 20 000 euros, est-ce que je... Bon. Et bah, là, en l'occurrence, voilà, il y a des négociations qui peuvent être possibles. Moi, je conseille quand même de pas hésiter à faire des offres. C'est-à-dire que si ça vous intéresse, parce que sinon, après, vous pouvez vous en mordre les doigts. Donc, de pas hésiter à faire des offres, de regarder depuis quand les annonces sont en ligne, de regarder quels sont les biens en concurrence. Parce que moi, en tant que conseiller immobilier, un acheteur, s'il veut me prendre un peu à défaut, il va me dire « Ah oui, mais moi, j'ai vu tel appartement. Si j'achète pas le vôtre, je peux acheter l'autre. Il est très bien placé en termes de prix. » Donc ça, c'est quelque chose, nous, c'est très difficile à contrer comme argument en tant que professionnel. Donc voilà, ne pas hésiter à bien se familiariser avec le marché. Un acheteur qui sait bien négocier, c'est un acheteur qui a bien étudié le marché et qui peut nous donner tout ça. On peut négocier combien à peu près sur une vente en pourcentage. Tu veux que je te donne des fourchettes, oui. Bah, y a pas de ça va dépendre. Mais moi, les plus grosses négociations que j'ai vues, ça va être sur du 150, 200 000 euros. Et j'ai vu des négociations comme ça, des négociations qu'on appelle nous très agressives dans le milieu, mais qui peuvent passer parce qu'en fait, la situation du vendeur actuel fait que bah il se dit je préfère ça que rien. Son urgence. Oui, parce que les vendeurs aujourd'hui. C'est des cas à part. Exactement, c'est des cas à part. Mais je dirais que aujourd'hui en France, nous, dans notre réseau, il y a des France. On a des statistiques au niveau national. On fait à peu près 60 000 ventes à l'année. Les marges de négo, il y a deux ans, étaient d'à peu près 2,5-3%, donc très très faibles. On faisait beaucoup de ventes au prix. Aujourd'hui, elles sont aux alentours des 6% en moyenne. En moyenne. Ouais, il y a une forte augmentation. Sur les 6%, il y a du 10% et il y a du 3%. Quoi. Effectivement. Est-ce que du coup, avec la fin de la hausse des taux, et leur stabilisation, la réduction aussi des taux de la Banque Centrale Européenne, est-ce que ça va favoriser la baisse des prix? Normalement, Carlos. Oui. Normalement, ça va avec. Quand le prix de l'immobilier est haut, les taux baissent. Et quand les taux augmentent, les prix baissent de l'immobilier. Donc, en fait, forcément, il y a moins d'acquéreurs, moins de financement, moins de capacité d'achat. On a eu ce problème, on a eu ce gros problème l'année dernière, parce que les taux augmentaient fortement. Oui. Le taux d'usure qui, lui, ne baissait pas et qui augmentait aussi. Donc, c'était très, très compliqué. Ça a frisé un peu le marché de l'immobilier, ça. Les acquéreurs avaient moins en moins de complètement. Ben, l'année dernière, en fait, les acquéreurs ne savaient pas s'il fallait y aller, s'il ne fallait pas y aller, comment ils allaient faire, s'il fallait qu'ils prennent un bien avec des taux comme ça. Donc, nous, en tant que courtier, on leur expliquait qu'éventuellement, en achetant avec des hausses de taux comme celle-ci, on pouvait l'année prochaine ou l'année d'après baisser avec des autres conditions au niveau des banques. Et quel que soit le secteur, que ce soit le secteur de l'habitation ou le secteur mixte bureau-commerce, l'année 2023 a été catastrophique. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, quels sont les pièges à éviter quand on achète un appartement, les vices cachés, les copropriétés en difficulté, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah déjà, t'as donné deux bons points. C'est pas mal. On l'a dit tout à l'heure pendant un ravalement de façade qui va arriver. Mylène, c'est bien renseigné, c'est top. J'ai rien à dire de plus. J'ai un peu fait mon travail. Bravo. Non, bah, les vices cachés, le truc, c'est que c'est caché par définition. Comme on les trouve. Vices cachés, ni le propriétaire... Mais qu'est-ce qu'un vice caché, par exemple? Un vice caché, c'est quelque chose qui est méconnu du propriétaire et du conseiller. Ah. Sinon, c'est un vice dissimulé. Et c'est deux choses qui sont très différentes. Un vice caché, on peut l'invoquer, on peut demander soit une diminution du prix, jusqu'à je crois c'est deux ans après la découverte du vice caché. Le propriétaire n'est pas d'accord, au courant. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve après coup. Exactement, ça peut être de l'humidité dans les murs et c'est un ancien propriétaire. Exactement. Voilà, donc vice caché, voilà, on sait que si on passe par un professionnel de l'immobilier, on a un peu plus de garantie parce que moi en tant que professionnel, ça m'est arrivé quand je sentais qu'il y avait de l'humidité de faire passer un professionnel qui teste l'humidité dans les murs. Donc oui, l'humidité, il faut y faire gaffe. Les diagnostics, il faut les regarder. Honnêtement, je vous aurais pas donné les mêmes conseils il y a deux ans, mais aujourd'hui, les diagnostics ont une réelle valeur probante et il faut vraiment les regarder en détail. Justement, comment... oui, on allait en parler. Justement, quelle est l'importance du coup de ce diagnostic immobilier et comment on peut interpréter ces résultats, puisque tu t'es lancé sur le sujet. Ok, vas-y. On y va. Bah, alors, dans l'ancien, les diagnostics immobiliers, ils sont divers. On va avoir l'électricité, on va avoir le gaz. Nous, dans notre secteur, on va avoir la mérule. Non, dans notre secteur, on n'a pas la mérule, mais dans certains secteurs, il y a la mérule qui est un champignon qui vient détériorer un peu les charpentes et le bois. On a les termites. J'ai des anecdotes à vous raconter qui sont assez ahurissantes. On a le DPE, ce fameux DPE. Où les règles se sont durcies. Elles se sont insérées même tour pour nous. Pour nous, aujourd'hui, le DPE, les banques nous demandent les DPE. Et complet. Complètement. Alors pour l'ancien, c'est clair que c'est hyper important. Pour le neuf, c'est assez facile. Vous devez respecter les nouvelles normes. Ah oui, c'est un des avantages d'investir dans le neuf. C'est 2020 maintenant, je crois que c'est ça. Oui, voilà. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais investir dans le neuf, on en parlera du neuf versus ancien. Au niveau de la réglementation environnementale, oui, RE 2020. RE 2020, elle est mise en place donc depuis janvier 2022 pour tout dépôt de permis de construire concernant les maisons individuelles et les habitats collectifs. Donc ça, c'est l'avantage, effectivement, contrairement du coup au diagnostic immobilier qui va être complètement différent en fonction des biens dans l'ancien. Complètement. Donc je reviens sur ça. Oui, il faut les regarder. Le DPE, il faut le regarder. Le diagnostic électrique, il faut regarder parce que ça peut être déjà pour les assurances, ça a une importance. Et puis ça peut avoir des incidences au niveau des travaux qu'il y aura à faire. Le DPE, ça peut avoir une incidence sur le potentiel locatif. Après, on a des solutions sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un DPE en F. On sait que si on met une pompe à chaleur, si on a des petits radiateurs électriques ou si on a une chaudière gaz ou au fuel, le pire, on met une petite pompe à chaleur, donc de type climatisation RR ou RO avec un chauffage au sol. On sait qu'on gagne une à deux lettres. Donc, il y a des solutions. Mais pour autant, il faut les lire. Et si on sait qu'on a un DPE qui n'est pas bon, on va faire intervenir un artisan qui va faire chiffrer ça et on pourra peut-être dire bon bah je vais essayer de négocier de ce montant-là pour pouvoir faire les travaux et avoir un DPE qui sera de meilleure qualité. On sait que l'augmentation du coût de l'électricité a été fulgurante ces derniers temps, donc c'est aussi la raison pour laquelle le diagnostic de performance énergétique est importante, parce que je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent ont vu leur facture d'électricité augmenter. Donc avoir une bonne isolation, avoir un bon système de chauffage écologique et économique, aujourd'hui c'est un enjeu assez important au niveau de l'achat et au niveau du budget dans le temps. Clairement, effectivement. Mmh. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'inviter les auditeurs à se renseigner sur le site du gouvernement sur toutes les aides à la rénovation énergétique qu'ils peuvent avoir, parce que ça peut vraiment augmenter la valeur du bien. En plus, on a des aides qui sont vraiment conséquentes sur certaines rénovations. Et puis pour les acquéreurs aussi, sachez que vous pouvez bénéficier de ces aides. C'est bien, c'est très concret cette émission et ça devance effectivement une de nos questions sur les aides. Clairement, est-ce que c'est avantageux d'acheter un bien immobilier qui nécessite des travaux pour le personnaliser ? Oui. Ça, oui. Aujourd'hui, très clairement, une autre étude que j'avais lue, hein, j'aime bien lire les études. mais c'est très concret là, vous êtes vraiment très concret, très factuel. C'est que 87% des acheteurs veulent un bien sans travaux. Et puis moi, j'ai 32 ans, je suis de la génération, on n'aime pas trop faire ce genre de choses, les travaux, tout ça, on n'a pas envie de s'embêter avec tout ça. Ça prend du temps, c'est de la contrainte, on est dans la poussière, il faut gérer, les artisans vont faire soi-même, bon, je peux le comprendre. Le truc, c'est que, du coup, si 87% veulent poser leur valise, il ne reste plus que 13% pour les biens qui ont des travaux. Donc effectivement, on en parlait juste avant d'être à l'antenne avec Tanguy, les travaux coûtent cher, mais... l'un dans l'autre, généralement, le prix est baissé plus qu'en proportion. Donc moi, je dis allez-y, allez avec des artisans. Les artisans peuvent vous rassurer, mais foncez sur les biens avec travaux. Au début de l'émission, on a parlé des bonnes affaires. Je suis persuadé que les bonnes affaires sont là. Aujourd'hui, si vous venez me voir et vous me dites qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vendre mon bien le plus cher, je dirais faites des petits travaux, mettez-le en état, etc. Vous vendrez très cher. Donc paradoxalement, dans le sens inverse. Ça marche dans l'autre sens. Exactement. Et pour les primo-accédants aussi. Hein, c'est pour les premiers achats, pour la première fois qu'on investit dans un bien immobilier. OK, on aimerait bien avoir justement la photo Instagram, mais parfois la réalité de la vie, c'est pas ça. Et donc pour les jeunes couples, parce que c'est souvent ça, le cas de jeunes couples qui disent « Mais attendez, mais nous, on n'a pas les moyens de s'acheter. » Oui, mais vous avez les moyens d'acheter ça. Vous avez des aides. Vous pouvez avoir les aides de primo-accession. Vous pouvez avoir des aides de rénovation énergétique. Et au final, si vous regardez bien, vous pouvez acheter un bien que vous ne pensiez pas pouvoir acheter au début. Et il faut juste un petit peu mettre d'huile de coude, demander conseil aux parents ou un petit peu aux aînés qui savent que bosser... un petit coup de main. Ils sont contents de faire. Un tonton qui sait, mettre une ampoule, un papa qui sait peindre un mur, je ne sais pas, mais ça peut être utile. Quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui peut aider et qui peut enlever les freins de se dire en mode on peut plus investir aujourd'hui quand on est jeune, on peut plus acheter. Non, si on peut et il faut se trouver la famille qui vient. Il faut pas se faire une montagne de travaux. Ouais. On a une question de Jérémy qui nous demande en quoi consiste le compromis de vente et quelles sont les clauses particulières à y inclure pour se protéger. C'est important ça. Alors Muriel, le compromis de vente, c'est un avant-contrat. Oui, puisque Muriel, les parties donc. Oui, vas-y. Non, juste, on n'avait pas précisé, mais Muriel, tu as travaillé pendant des années. Dans le notariat. Dans le notariat. Tout à fait. Tout à fait. Donc le compromis, c'est un avant-contrat qui va donc régir la convention entre vendeur et acquéreur. Il va y avoir donc un accord sur la chose et sur le prix. Alors, ce compromis va être assorti de conditions suspensives à la demande de l'acquéreur. En règle générale, c'est la condition suspensive de l'obtention du prêt. C'est la base. Donc, cet acquéreur, il est intéressé par ce bien, il est d'accord pour l'acheter, le prix lui convient, mais il n'a pas le financement. Donc, il va dire à son vendeur, laissez-moi le temps d'obtenir mon crédit, et une fois que mon crédit est obtenu, à ce moment-là, on passera à l'acte authentique, c'est-à-dire on se retrouvera devant chez le notaire qui va donc authentifier ces accords, leur donner force de loi, et si l'acquéreur donc obtient son prêt, tant mieux. S'il n'obtient pas son crédit, eh bien à ce moment-là, il est délié des accords qu'il a pris avec le vendeur. Et donc, je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'avant-contrat, sur ce qu'a dit Muriel. Sur la question de l'auditeur, les avant-contrats sont déjà rédigés pour protéger énormément les acquéreurs. Donc généralement, il n'y a pas de clause en plus à rajouter. L'acheteur, le consommateur en France est très très protégé. Du côté du vendeur, c'est autre chose. C'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est effectivement plutôt l'inverse. Le vendeur, tant que c'est pas bouclé complètement, la vente peut s'annuler plusieurs mois après, du coup. Je vais rebondir sur ce que dit Maxime. En règle générale, les accords sont pris avec des particuliers. Tout à l'heure, on parlait de vices cachés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vendeur peut s'exonérer de la garantie des vices cachés. Alors certes, les compromis sont des avant-contrats qui sont déjà donc préétablis. Ils sont régis par le code civil. Ce qui va quand même protéger l'acquéreur, et on voit quand même la tendance du législateur depuis ces dernières décennies, c'est le principe donc des diagnostics. Parce que avant la loi de 96, lorsqu'on achetait dans un immeuble ancien, l'acquéreur, il savait pas trop ce qu'il achetait. Donc à partir de la loi de 96, où a commencé donc à être prévue la loi Carrez déjà, pour les biens surfaces. En copropriété, donc sur les surfaces. Donc ça a été le point de départ de la protection de l'acquéreur. Je ne parle pas de la loi SRU, la loi SRU qui, après la signature d'un compromis d'un bien à usage d'habitation, permet à l'acquéreur d'avoir un droit de rétractation de 10 jours, parce qu'il va s'engager dans un compromis, mais surtout, après la signature de ce compromis, on va lui notifier par courrier recommandé cet avant-contrat, et il aura donc 10 jours pour savoir s'il perdure ou pas dans son achat. Donc déjà, c'est son point de départ, il a déjà cette protection-là. Et après, donc, il y a les clauses qui sont prévues dans le compromis, et plus particulièrement les conditions suspensives. Très bien. Rien d'autre à ajouter, du coup, dans ces... complètement. Voilà, donc, ça va dans le sens où l'acheteur est assez bordé. Ouais, c'est plutôt du côté des vendeurs qui peuvent déchanter, c'est ça, Maxime? Pour le vendeur, moi, là où je mettrais en garde, parce que Muriel a évoqué les vices cachés, quand le vendeur est particulier, il est toujours exonéré. Donc, le vendeur, si vous voulez, là où il faut qu'il fasse gaffe, c'est à la fameuse condition suspensive d'obtention de prêt. Parce que l'acquéreur, si vous voulez, quand il va dire « Bon, bah, moi, je vais prendre un prêt sur 20 ans et avec un taux maximum de 4%. Oui. » Mais ce taux maximum, vous, les vendeurs qui m'écoutez, il faut qu'il soit assez élevé aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, dans le cadre que je viens de vous donner, c'est-à-dire j'emprunte mon acheteur, là je vends un bien, mon acheteur me dit « Ok, je vous achète votre bien, mais si j'arrive à avoir mon prêt sur 20 ans, à un taux maximum de 4%, et je vais emprunter 200 000. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si mon acheteur, il a que des taux au-dessus de 4%, il peut se dédire, il peut se rétracter de son achat sans frais aucun, sans pénalité. Et ça, c'est souvent écrit dans les compromis. Ça, c'est toujours écrit quand c'est une condition suspensive. Sauf que le taux, le taux, oui, mais plus le taux est bas, plus ça peut être protecteur pour l'acquéreur qui peut se désengager du compromis très facilement. Donc, généralement, quand on a deux notaires, quand on a un notaire acquéreur et un notaire vendeur, le notaire vendeur veille à ce que ce taux soit pas trop bas parce que ça peut être une porte de sortie très facile. Donc, ça, il faut être vigilant. En fait, il faut qu'il soit cohérent avec ce qui se fait aujourd'hui. Oui, avec ce qui se fait en moyenne sur le marché. Tout à fait. Ce qui est assez logique. Ça bouge vite. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Faut qu'on en parle. C'est une question qui est beaucoup revenue, neuf, ancien. Quand on cherche un bien immobilier, on se pose souvent la question. Alors, vaut mieux acheter du neuf ou de l'ancien? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux? C'est la guerre va être déclarée en fait. Je laisse les pros neufs parler. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Quels sont les avantages de neuf? Quels sont les avantages de l'ancien? On en a entendu deux, trois rapidement tout à l'heure. On peut revenir sur ceux qu'on a déjà évoqués. Hein, déjà, les frais de mutation dans l'ancien. Alors, déjà la fiscalité. Alors là, avantage au neuf. Avantage au neuf, bon. La fiscalité, la TVA est inclue dans le prix, les frais de notaire sont réduits. Donc ça, ok. Ça, c'est un premier point. On a dit l'isolation, peut-être. Alors, les dernières normes thermiques. Alors, l'avantage du neuf. Aujourd'hui, on est soumis, promoteur immobilier, il est soumis donc à des normes énergétiques environnementales. Donc déjà, l'acquéreur, quand il va se positionner sur un immeuble à construire, il sait que il va y avoir donc un bien qui va rentrer dans le cadre des normes énergétiques. Ça va lui apporter du confort. Au niveau de la planète, ça va éviter des émissions de gaz à effet de serre. Ça va surtout lui coûter moins cher en chauffage, clairement. Absolument. Parce que c'est vraiment aux dernières normes énergétiques sur les nouveaux projets immobiliers. À long terme, ça coûte. Et à long terme, ça fait des grosses économies, surtout avec le prix actuel de l'énergie, de l'électricité. Et puis, il a cet avantage de moduler la configuration de son futur appartement. Et ça, c'est énorme. Ouais, c'est ce qu'on appelle les TMA. Il va y avoir donc un inconvénient, c'est le délai peut-être d'attente. Alors, au final. Le délai d'attente, c'est vrai que ça peut aller d'un an, deux ans, hein, en fonction du nombre de logements. Et puis, il y a les retards hein, qui peuvent être causés par les causes usuelles de retard, hein, les intempéries, les liquidations des entreprises, les délais de raccordement. Donc on est vraiment sur les délais, l'inconvénient. Tout à fait. Mmh. Ce que nous rencontrons dans notre région, hein, c'est notamment la problématique du Mistral. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un projet de construction démarre et que nous avons une grue qui est installée, quand on a un Mistral qui est égal ou supérieur à 60 km/h, c'est l'inconvénient du sud de la France, en effet. Tout à fait. Donc, ça peut être les inondations ailleurs. Ça peut avoir un impact aussi sur le délai prévisionnel de grue, livraison. C'est ça, Muriel ? Tu peux pas installer de grue tant qu'il y a 60 km/h. La grue est installée, mais on ne peut pas s'en servir quand on a un vent qui est égal. Là, on est vraiment dans les délais. Et ça nous repousse les délais. Après, il y a des pénalités aussi selon les délais. Alors, c'est tendancieux, parce qu'en règle générale, bon, moi qui travaille et qui m'occupe de faire les contrats de réservation pour un promoteur immobilier, on ne prévoit pas de pénalité parce que finalement, on n'est pas à l'origine de ce retard. Je peux comprendre qu'il y ait des pénalités quand c'est le promoteur qui ne fait pas bien son boulot et effectivement, il faut qu'il dédommage son acquéreur. Mais on ne prévoit pas de pénalité parce que finalement, ça a une tendance contentieuse. Par contre, le promoteur, quand il voit son projet qui prend du retard, il a l'obligation d'avertir ses acquéreurs en indiquant ce qui s'est passé, ce qui lui arrive, quel est donc le motif de retard. Il projette à nouveau son délai de livraison en fonction donc de comment il va essayer de rétablir ce retard et il va se faire accompagner de l'architecte du programme puisque c'est lui le maître d'œuvre et c'est cet architecte là qui dira par le biais d'une attestation voilà ce qui nous est arrivé et voilà à quel moment on peut envisager la livraison. Et au niveau des paiements aussi dans le neuf, ça fonctionne sous forme d'échéancier. Voilà. Comment ça fonctionne? Alors, dans le neuf, il y a un prix qui est fixé et au moment de la signature de l'acte, au moment donc du transfert de propriété, le prix est payé. En ce qui concerne l'immeuble du bien à construire, on va passer chez le notaire alors que pour l'instant le bien n'existe pas, mais les travaux ont commencé. Donc en fait, l'acquéreur, il va être propriétaire au fur et à mesure de l'avancement de l'ouvrage. Et bien entendu, ce prix va être échelonné en fonction du palier atteint. Alors, le code de la construction, il prévoit quand même, au niveau du prix, un palier qui, lui, est intangible, c'est-à-dire que le promoteur ne va pas pouvoir demander plus de 35% aux fondations. Il va être tenu de demander 90% à l'achèvement du bien vendu. Et il y a également le palier intermédiaire qui est de 70% pour la mise hors d'eau. Donc 35% à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau et 95% à l'achèvement du bien vendu. Et ça, c'est intangible. Et après, il y a des paliers intermédiaires qui peuvent être donc demandés par le promoteur. D'accord, pour financer, je sais pas, les cloisons ou autre, par exemple. Alors, pour financer les cloisons, lorsque la filerie électrique sera terminée. Comment ça se passe, Carlos, en termes de financement ? C'est spécifique, du coup ? C'est un déblocage de fonds, on appelle ça le déblocage des fonds. Et en fait, au fur et à mesure que le bâtiment monte, il y a un déblocage qui se fait au niveau de... Et la banque débloque la somme en question. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Et cette banque va débloquer ses fonds au vu des appels de fonds du promoteur et appels de fonds qui seront toujours justifiés par une attestation de l'architecte parce que ces appels de fonds doivent être demandés palier atteint. Palier atteint et jamais palier en cours. Donc la banque, pour revenir à ce que disait Carlos, la banque qui va débloquer, elle va débloquer au vu de l'appel de fonds du promoteur et elle va débloquer au vu de l'attestation de l'architecte. Tanguy, les avantages fiscaux existent pour les investisseurs, hein, comme Pinel. Est-ce que le dispositif, c'est toujours autant avantageux en 2024? Alors là, mais on a eu cette conversation avec Muriel et je pense que c'est Muriel qui va répondre le mieux à cette question parce que ça a été un gros débat vraiment. Donc, oula. Allons-y, mais j'interviendrai quoi. Alors, aujourd'hui, la défiscalisation Pinel, certes, elle existe encore, elle est prorogée jusqu'au 31 décembre 2024, mais le taux de réduction Pinel aujourd'hui. Ça s'applique sur le 9, c'est ça? Ça s'applique sur le 9, tout à fait. Donc le taux de réduction aujourd'hui est moins avantageux que lorsque la loi Pinel est sortie. Donc fin 2024, il y aura pour l'instant, rien de prévu, il n'y aura pas de défiscalisation au niveau des immeubles neufs. En ce qui concerne les immeubles anciens, il y a quand même encore des taux de défiscalisation. Tout à l'heure, on parlait de travaux. Alors, on a la loi de Normandie aujourd'hui qui permet pour des personnes qui souhaitent acheter dans l'ancien, et là on parle d'ancien, mais dans un habitat dégradé. La loi de Normandie permet à des gens qui vont louer le bien de pouvoir avoir des réductions d'impôts, à condition que les travaux représentent 25% de l'investissement. Donc là aussi, pour des gens qui veulent acheter, investir et faire du locatif, là aussi, il y a cette défiscalisation qui est permise. Mais c'est vrai que pour venir à l'immeuble neuf, Pinel s'arrête en fin d'année. Donc sur l'ancien, on a toujours la possibilité de faire. Alors justement, on va reglisser un peu sur l'ancien, parce que là, le but, c'est de faire un petit comparatif neuf versus ancien. On a donné pas mal d'avantages sur le neuf. Quels sont les avantages de l'ancien? Déjà, l'avantage de l'ancien, c'est que si vous voulez un bien, vous l'avez dans 3 mois. Ça, c'est quand même le premier avantage. C'est que c'est environ 3 mois, c'est ça, hein. Voilà. En fait, 3 mois, si vous voulez, les délais qui sont incompressibles, le premier, c'est au moment où on signe l'avant-contrat, dont on a parlé avec Muriel tout à l'heure, c'est que généralement, il y a un droit de préemption des collectivités, donc de la mairie ou de la métropole. Et ce droit de préemption, généralement, il est de 2 mois, il peut être de 3 mois dans certains cas. Donc ce droit de préemption, c'est un droit préférentiel qu'a la mairie, dire je veux acheter. Finalement, je prends ce bien. Exactement. Donc ça, c'est ce qui est incompressible. Et généralement, il y a le délai des banques. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça laisse le temps pour trouver son financement tranquillement à côté. Exactement. Ces deux délais courent en même temps. Donc c'est pour ça que le délai reste assez réduit. On signe un avant-contrat, on est d'accord sur la chose, sur le prix, comme l'a dit Muriel. On signe un avant-contrat, généralement, 3 mois après, on a le bien. Moi, la vente la plus rapide que j'ai faite, c'est en 13 jours, entre le compromis et l'acte authentique. Il n'y avait pas de prêt, il n'y avait pas de droit de préemption, justement. D'accord. Ouais. Mais c'est-à-dire que, on se dit, on peut avoir le bien assez rapidement. Et puis, les crédits, aujourd'hui, si on est bien accompagné, ça peut se faire vite. Si on a bien anticipé avant et que tu peux en parler quand même. Ah oui, non, mais c'est tout à fait ça. Il faut vraiment que les clients, aujourd'hui, les acquéreurs, viennent en amont. C'est ce qu'on a dit en ouverture d'émission, effectivement. Exactement. D'abord, on va consulter un courtier. C'est pour ça que nous faisons les lettres de solvabilité au prix des agents, pour qu'eux soient déjà en accord avec nous et qu'ils puissent avancer rapidement. Après, quand nous, on a tout fait en amont, qu'on a vu tous les documents, déjà mâché, tous les clients, où tout était fait, il nous faut peu de temps pour sortir une offre de prêt. Nous, en 1 mois et demi, on peut sortir et avoir les fonds, quoi. Donc là, le délai peut être très réduit. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 mois, on peut. Donc là, gros avantage à l'ancien. Ça, voilà, les délais, effectivement, parce que si on attend, c'est du temps, on est en location, etc. Et ça, c'est des frais qui peuvent être engagés pour les acheteurs. Ensuite, un autre avantage qu'on a, c'est l'aspect géographique. C'est-à-dire que dans l'ancien, on peut aller chercher un peu partout. On peut dire, finalement, je vais aller là. Donc les programmes immobiliers, là, effectivement, ils sont à certains endroits très précis. C'est là et c'est pas ailleurs. On a moins de choix, en fait. Forcément, on a moins de choix. Et donc ça, ça nous restreint un peu plus. Ensuite, en fonction des secteurs, l'ancien est quand même plus attractif en termes de prix. Bon, on n'a pas parlé du prix, mais le prix du neuf est plus cher que l'ancien. Le prix est plus cher, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les frais de mutation, 7,8% dans l'ancien, ça va vite, sur 300 000 euros. Ouais, c'est sûr. Et là, sur un bien, par exemple, à 250 000 euros, sur de l'ancien, on va monter à 20 000 euros de frais de notaire, quoi. Donc, il faut rajouter 20 000 euros. Donc, l'un dans l'autre, de base, si vous regardez sur Internet, normalement, le neuf, proportionnellement, est plus cher. Mais dans l'ancien, y a des faux frais, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a toujours des petits travaux. On veut toujours mettre les frais à long terme, les isolations à refaire, etc. Alors que dans le neuf, Je crois qu'à la base, je devais argumenter pour l'ancien. Non, je me suis trompé. Je suis team neuf. Non, mais puis ça dépend vraiment de l'envie de l'acquéreur aussi. Non, c'est ça. Que... C'est pas une course contre l'ancien ou le. Non, parce qu'on le a quand même l'impression. Je pense que c'est presque pas les mêmes acquéreurs. Ouais. Moi, je vais vous dire, ça fait 10 ans que je vends de l'ancien. Parfois, je propose du neuf en disant, bon, bah, il y a cette alternative. Et généralement, ceux qui veulent de l'ancien, ils veulent de l'ancien parce qu'ils veulent avoir à faire des choses, ils veulent le cacher de l'ancien. Et souvent, le mot, c'est le cacher, oui. Ouais, ça revient très fort. L'emplacement. Ça peut être l'emplacacje veux être à cet endroit. Et puis, il n'y a pas de construction neuve à cet endroit parce que les plus beaux terrains, à part certains, on en a parlé avec Muriel tout à l'heure, qui sont en train de se construire, mais les plus beaux emplacements, normalement, ils sont déjà pris. Ouais. Quand même. Donc, l'emplacement, et puis évidemment, le cachet de l'ancien, vous allez retrouver quelque chose. C'est une espèce d'âme qu'on ne retrouve pas forcément dans le neuf. Bon, après l'ancien, c'est vrai que c'est générateur de frais d'entretien. Un immeuble ancien a tendance à se dégrader. C'est vrai que pour un acquéreur, ça, il faut qu'il le prévoit aussi dans son budget, mais à moyen et long terme. Le neuf, c'est l'option pas de souci, en fait. Finalement. Le neuf, c'est l'option pas de souci, tout à fait. Et puis pendant 10 ans, on est tranquille. Ouais. Voilà. J'allais dire, à vous écouter, tous les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. En fait, on a vraiment cette impression-là. Oui, tout à fait. Ouais. Mais j'ai vraiment envie de renforcer l'idée que acheter dans le neuf, ça peut faire peur parce que justement, on achète sur des plans, en fait. Donc, l'histoire des photos dont on parlait tout à l'heure, on n'a pas ça dans le neuf. On travaille sur des visuels 3D. On met des meubles aussi dans les visuels 3D pour vraiment qu'on arrive à se visualiser. Donc, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Mais... Et ce qui fait peur, c'est là que c'est particulier, c'est qu'en fait, on s'engage sur quelque chose qui n'existe pas. Ouais, c'est sûr. On n'a pas vu le bien. Qui n'existe pas, qui n'est pas tangible. Mais en tout cas, d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, ça l'est. C'est ça que je veux renforcer, c'est qu'un projet qui apparaît aujourd'hui sur une plaquette, c'est qu'il y a déjà... Toute une procédure juridique et administrative qui a été suivie. Et financière. Une garantie qui est apportée par la banque. Donc, le projet ira jusqu'au bout. Et en plus de ça, au-delà de la GFA que tu parlais tout à l'heure, Muriel, pour les garanties financières, on a aussi la garantie biennale et décennale qui permet de protéger l'acquéreur une fois que... C'est quand même plus compliqué, je pense, pour un appartement, sur quelqu'un qui achète un terrain et qui construit sa maison par-dessus. Il la conceptualise peut-être plus facilement qu'un appartement sur plan. Alors, il a aussi les mêmes garanties. Oui, certainement, mais c'est peut-être plus facile une fois qu'on a acheté un terrain, se dire là, je vais avoir ma maison, etc. Alors qu'un appartement, c'est vraiment pur et dur. C'est la maison individuelle, donc c'est le côté individualité de la chose, effectivement. Ça peut faire plus peur, finalement. Et puis souvent, en fait, ce qu'on a comme type d'acquéreur, c'est des personnes... On en a marre de la maison, punaise, l'entretien que c'est. Finalement, ça me coûte un bras, donc je veux acheter... Et il y a aussi une question d'âge au niveau des acquéreurs. Exactement. Il y a aussi une question d'âge. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, vous avez des gens qui ont vécu pendant des années dans leur maison individuelle, exactement, avec un jardin à entretenir, et à un moment donné, ils ne se sentent plus de faire ce type de travaux. Et c'est là qu'ils bifurquent. Sur le neuf, ouais. Ils bifurquent sur l'appartement et plus particulièrement sur l'immeuble neuf. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose sur l'ancien, parce que là, on parle, je vous écoute, et puis c'est très intéressant. Mais il y a une chose quand même, et on vit un peu pour ça quand même, c'est que dans l'ancien, on peut générer ce qu'on appelle le coup de cœur. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, mais moi, en tant qu'agent immobilier, de voir des gens qui ont un coup de cœur, je peux vous assurer que c'est des choses qu'on peut ressentir qu'une fois dans sa vie. Et c'est ce que je vous souhaite d'avoir, c'est-à-dire demain d'arriver dans un appart et de se dire, mais oh, c'est ce que je veux. Et donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et moi, je revois souvent mes anciens clients et ils m'en parlent toujours des années plus tard. Et donc, ce coup de cœur est possible grâce à l'ancien aussi. Toi qui aimes bien les études, t'as combien de pourcentage de coup de cœur? Très peu en réalité, très peu. Je dirais qu'on est entre 10 et 20%. Quand même. Ben, on le sent, nous, on regarde les signaux, on voit si l'acquéreur se place sur les côtés. Il y a une approche un peu plus émotionnelle sur l'ancien, en fait. On est plus dans l'émotionnel, mais même au niveau de la clientèle. C'est vrai que quand on parle neuf, c'est très juridique, très administratif. C'est factuel, forcément. C'est carré. Et puis en général, c'est les clients qui sont comme ça aussi. Enfin, les acquéreurs. En même temps, avoir un coup de cœur sur un plan, c'est plus compliqué, quoi. Je rentre dans une salle de bain, je dis, oh! En fait, c'était pas dans leurs critères, et c'est coup de cœur. Par contre, sur la vue et les emplacements, j'imagine. Ouais. Par contre, je veux rebondir sur ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, sur le principe du coup de cœur. Avoue quand même que la personne qui a le dernier mot, c'est l'épouse. Ah ben... Alors, Alors Muriel, là tu lances un débat, là tu lances un débat qui est très intéressant, mais ce qui est ennuyeux, c'est que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est ça. Mais oui, souvent nous, on a l'homme qui parle beaucoup, et puis nous, en tant que conseiller immobilier, on regarde systématiquement la femme parce qu'on se dit, est-ce qu'elle a aimé, est-ce qu'elle a pas aimé. Mais après, il faut pas trop regarder parce que des fois, il y a des jaloux. Exactement. Pour mesurer. Exactement. Non, et du coup, on sait que ça va dépasser à 100%. Franchement, je dirais là en pourcentage. 100%. Je dirais 90% des cas, c'est la femme qui décide. Et c'est l'homme qui va parler, qui va dire, oh, ça c'est pas beau. Ou l'homme, il va dire, c'est super beau, c'est super beau. Puis le lendemain, il va dire, bon, bah finalement, on va pas acheter la maison. On se rend compte qu'ils ont discuté le soir. C'est la femme qui achète. Ça, c'est sûr. C'est une bonne statistique à savoir. Donc, si la femme... donc si vous êtes en donc couple, moi je me dis si la femme a le coup de cœur, si je vois la visite et que je vois un peu l'œil qui brille, qui pétille, je me dis là c'est bon. La vente est faite. Ouais, comme quoi, effectivement. Faut acheter sans sa femme. ouais, sinon c'est possible. Ça, non. Moi si y a un couple marié et que je vois que l'homme visite sans la femme, c'est pas la peine de faire la visite. Bah non, il faut le décideur, monsieur. Bon, il faut pas les froisser. Mais c'est important parce que encore une fois, en tant que conseiller, on a envie aussi que nos clients se sentent bien chez eux en fait. Exactement. Parce que une fois que la vente est faite, ça veut pas dire qu'on se voit plus en fait. C'est tout pas à fait. La vente est faite, allez, au revoir, merci, restez chez vous. Non, pas du tout. En fait, l'accompagnement, il est tout le temps. On travaille sur du local, on est sur notre secteur, on connaît notre marché, mais c'est-à-dire que aujourd'hui on vous croise pour vendre votre appartement, on espère que on pourra vous aider à trouver votre prochaine maison, à aider votre fils, à aider votre tante, parce que on s'attache en fait à nos clients et on a vraiment envie de les accompagner au mieux dans leur projet. Parce que nous aussi, on a un toit et nous aussi, on sait ce que c'est de se sentir bien chez nous et on a envie de donner ça. Comme un restaurateur a envie de faire plaisir avec la nourriture, nous, on a envie de faire plaisir c'est pour que les gens se sentent bien passion, chez eux. Ça, c'est un métier de passion. Oui. Mais là où pour je rejoins à 100% Tanguy, c'est qu'on ne vend pas, on n'est pas juste de l'entremise, comme le disait Muriel tout à l'heure. On réalise des projets de vie. Mais bon, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais je vous assure. Je peux détailler parce qu'effectivement, c'est l'image qu'ont les gens. Hein. C'est voilà, mais gens c'est pas du tout ça. Mais celui qui fait ça pour les faire la vise entre les deux et puis les deux parties, c'est tout. Et je vais rebondir sur ce que disait Mylène tout à l'heure, un bon et un mauvais agent immobilier, celui qui vient parce qu'il se dit le métier c'est ça, c'est juste de l'entremise, il dure pas parce qu'en fait on réalise des projets de vie. Enfin, parfois il y a des problématiques très compliquées, on doit accompagner les gens, il y a aussi un peu de psychologie là-dedans, il y a même beaucoup de psychologie là-dedans. Et puis on les accompagne, c'est pas du one shot la vente immobilière, on les accompagne sur du moyen terme, ça dure quelques mois, il y a des visites, des revisites, généralement. Comme l'a dit Tanguy, maintenant on veut faire un investissement locatif, on va aussi les accompagner parce qu'on les a bien conseillés. Donc, ils vont rappeler leur agent et leur courtier. On est une sorte de commerçant de quartier. On est une sorte de commerçant de quartier. Et moi, j'ai pour coutume de dire que un conseiller immobilier, ce qui est important, c'est qu'il doit connaître son secteur. Tout à l'heure, on en parlait. Je fais le parallèle. Je dis, on va voir un médecin parce qu'il connaît le corps humain. On va voir un agent immobilier parce qu'il connaît son secteur. Moi, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on peut repérer un agent immobilier, un mauvais agent immobilier, s'il dit, moi, j'ai un secteur, je sais pas, 200 km, je dis n'importe quoi. Un peu. C'est honnêtement, d'un agent immobilier, c'est 15, 20, 30 km autour. Moi, je suis ultra spécialisé. Je travaille dans une ville où je travaille presque un secteur d'une ville au début. Je sais que chez IAD, c'est le cas. Je crois que vous avez déjà un agent immobilier qui sont de très, très, très proximité. Parce qu'on est des agents de proximité. Parce que moi, quand je vends un appartement, oui, je vends l'appartement, mais je vends un arrêt de bus à côté parce qu'il y a une école, il y a la fille qui doit aller tous les jours au collège. C'est très important qu'il y ait un arrêt de bus, c'est important qu'il y ait une pharmacie, c'est important qu'il y ait ça, c'est important de connaître quel est le voisinage, c'est important de connaître aussi la copropriété, quels sont les acteurs économiques. C'est presque un détective privé en fait, l'agent immobilier. Mais moi je connais tout le monde dans mon secteur, mais c'est très important ça. Parce qu'en fait, quand un acheteur vient m'acheter. T'es obligé en fait parce que tu accompagnes vraiment les clients dans leur. Dans leur nouveau mode de vie. Donc, par exemple, si tu vas avoir... projeter, en fait. Tu vas avoir, par exemple, une cliente qui veut acheter une nouvelle maison et, en fait, elle, sa priorité, c'est d'avoir un bureau, toi, tu vas te débrouiller pour lui trouver un bureau à côté de chez elle, en fait. Et il se trouve que tu connais le boulanger, tu sais que le boulanger, il avait un local et ce local-là, ça serait un bureau parfait pour ta cliente. Et elle l'aurait jamais trouvé par elle-même. Et c'est vraiment cette connaissance de ton marché local, cette connaissance des gens, parce que c'est un métier humain, en fait. On parle d'humain et je pense que c'est vraiment la base de ce métier. C'est ça, c'est l'humain. Il faut connaître les gens, faut connaître son quartier et il faut faire ça pour les bonnes raisons, pour clôturer. Eh bien, tout ça, c'est parfait pour clôturer cette première partie. Maintenant, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus près à vos métiers, justement. Allez, on se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Faut qu'on en parle, seconde partie. Et oui, on l'a dit dans le sommaire, la recherche de la perle rare immobilière ne se limite pas à scruter les annonces. Nous allons maintenant aborder avec nos invités les métiers de l'immobilier qui vont vous faire réussir votre vente ou votre achat. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, tu peux nous donner quelques chiffres sur les agences immobilières en France ? Oui, en France, on compte environ 30 000 agences immobilières. 98% d'entre elles comptent moins de 9 salariés et un quart sont sous franchise. Elles génèrent à eux seules 40% du chiffre d'affaires en France. Mais il faut noter quand même que 10% d'entre elles ferment chaque année. C'est énorme, c'est ce qui reflète un petit peu la problématique de la crise dans ce secteur. Les agences indépendantes, elles, sont majoritaires. Elles représentent les trois quarts des agences et des agents sur le terrain. Plus de deux tiers de ces agences n'emploient aucun salarié, indiquant donc une prédominance de ces petites entreprises individuelles. Et est-ce que les agents réalisent toutes les ventes en France ? Non, pas du tout, hein. Mais cependant, contrairement aux perceptions, 68% des transactions immobilières sont facilitées par des agents immobiliers, tandis que seulement 19% se font directement entre particuliers. On peut noter qu'il y a environ 240 000 transactions entre particuliers directement, qui génèrent environ quand même 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et il existe aussi les mandataires dans ce milieu, qui n'ont pas d'agence et permettent d'avoir des commissions réduites. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, hein, ces professionnels, on en a en plateau, effectivement, utilisent principalement Internet pour leur activité et représentent 5 à 10% du marché. Comme tu le signales, ils bénéficient clairement de commissions très attractives grâce à ces coûts opérationnels très réduits. Vouloir acheter un bien, c'est bien. Le financer, c'est mieux. Luc, est-ce que tu as quelques chiffres sur le métier de courtier en prêt immobilier ? Alors, la première agence de courtage, elle date de 1971, Carlos. Ça date. Le métier de courtier a bien évolué. C'est aujourd'hui un secteur qui compte 34 000 professionnels, dont 70% de très petites entreprises. Et oui, il n'y a pas que les gros du marché. On connaît tous, hein, les gros, on ne va pas leur faire de la publicité ici, mais il n'y a loin d'avoir que sur le marché. Il existe beaucoup de courtiers indépendants ou rattachés à des petites sociétés qui effectuent un travail remarquable, car ils sont très très proches du terrain local, nous venons d'en parler juste avant. Et avant de continuer à rentrer dans les coulisses des métiers de l'immobilier, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Iliès du côté de Marseille. Les notaires, ça coûte une blinde dans le processus d'achat et ça sert à rien. Voilà comment on se fait arnaquer en France. C'est clair, c'est dit. Marie de Bordeaux, j'ai fait appel à un courtier pour mon achat. Il m'a vraiment assisté sur tout et tout le long. Je recommande vraiment d'y faire appel. Alors on va faire un focus sur le métier de promoteur, puisqu'on reçoit Muriel. Toi Muriel, tu travailles chez SN Immobilier, tu es un promoteur immobilier dans le neuf. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément ce qu'est réellement un promoteur et quand on doit y faire appel ? Alors le promoteur immobilier, c'est celui qui va acheter un terrain et faire construire un immeuble. Donc dans le processus, il est maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va construire un immeuble pour son compte. Et parallèlement, il y a la maîtrise d'œuvre. Alors la maîtrise d'œuvre, elle est composée donc de l'architecte, des ingénieurs, du bureau d'études et des entrepreneurs, dont les entreprises du BTP. Ah, donc il y a énormément de professionnels derrière. Il y a énormément de professionnels derrière. Alors, je veux rebondir deux secondes sur la banque. Il ne faut pas perdre de vue. Bon, on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui était mieux dans l'ancien, dans le neuf, la protection de l'acquéreur. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'acteur principal de l'immobilier, c'est la banque. À partir du moment où vous avez les banques qui prêtent pour que les acquéreurs achètent, toute la filière immobilière vit. Voilà. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'en 2023, on a vu donc cette chute, hein, de l'immobilier. Parce que justement, les prêts ont stagné, les prêts ont été refusés. Et c'est vrai que la banque, le secteur bancaire, c'est l'acteur principal du bien immobilier. Est-ce que tu peux nous présenter en tant que promoteur immobilier un succès, un projet précédent, par exemple ? Alors, voilà. Et pourquoi ça réussit si bien l'immobilier neuf, du coup ? Alors d'abord, il y a l'emplacement. C'est vrai que... Primordial, ça. Oui, c'est primordial. Moi, je suis responsable du service juridique de SN Immobilier. C'est un promoteur qui œuvre depuis plus de 30 ans sur la Ciotat. C'est un professionnel de l'immobilier. Il le construit essentiellement sur la Ciotat et dans le Var. Alors dans le Var, entre 2019 et 2021, on a sorti trois jolis projets, que de l'habitat, hein, il n'y avait pas de commerce ni de bureaux. On a démarré sur 110 logements, ensuite 57 logements et enfin on a terminé par un petit collectif de 38 logements. Et c'est vrai que les prestations qui sont offertes, notamment par SN Immobilier, ben, ils plaisent, hein, tant au niveau de l'architecture que des matériaux et produits qui sont Ça, c'est primordial quand on choisit son promoteur. Oui. Oui. Ouais. Peu importe en France, hein, parce que là, oui. on Alors, fait focus sur... Tout à fait. Ce qui est important, ce sont les prestations. Et ce qui est important aussi, c'est l'architecture. Alors, c'est vrai que l'architecture, pour un promoteur immobilier, c'est ce qui va lui coûter le plus cher. Mais c'est vrai que c'est ce qui va attirer le client. Ouais, hein, quand vous allez avoir un coup de cœur sur le neuf, finalement. Oui, tout à fait. Quand vous allez, quand le client, ben, sur photo, sur papier, sur les plans du permis de construire, va voir l'architecture de son futur immeuble, hein, du futur immeuble qu'il va avoir en copropriété avec d'autres, ben, c'est ça qui va l'attirer dans un premier temps. Donc, c'est vrai que l'architecture est très importante pour un promoteur immobilier. Comment on peut assurer la qualité des constructions chez un promoteur immobilier? Comment ça se passe? Alors, la vente d'immeubles à construire est encadrée. Dans une vente d'immeubles à construire, nous avons deux secteurs. Nous avons le secteur protégé, hein, qui touche seulement l'habitat, hein, l'habitation. Et nous avons le secteur libre, qui est un secteur qui touche la construction des bureaux et des commerces. Le secteur libre, on est moins encadré dans le cadre du formalisme, notamment pour la signature du contrat de réservation ou avant-contrat. Par contre, le secteur protégé, lui, il est encadré par le code de la construction et de l'habitation. Et le promoteur ne peut pas prendre des accords avec son acquéreur sans passer par un contrat préliminaire, on appelle vulgairement le contrat de réservation. Donc ce contrat de réservation, c'est le promoteur qui va s'engager à réserver le bien et l'acquéreur qui va réserver l'appartement qu'il a choisi. Parallèlement, il y a des documents qui sont obligatoires, c'est-à-dire qu'il va y avoir le plan de vente de ce futur appartement qui va non seulement révéler la surface du futur appartement, mais également c'est un plan coté, hein, qui va révéler les cotes de chaque pièce. Et enfin, on a une notice descriptive. C'est une notice descriptive qui est établie en vertu d'un décret de 1968. Et c'est cette notice qui est un véritable document contractuel au terme de laquelle l'acquéreur va retrouver tous les matériaux et produits qui vont être utilisés dans le cadre de son appartement. Alors ça va être bien entendu le sol, le carrelage, la faïence, l'électricité, la plomberie. Bien Donc bien. Déjà l'acquéreur, il va être renseigné dans le cadre de cette notice descriptive, parce que le promoteur lui assure, et contractuellement il y est tenu, des matériaux et produits qui vont être contenus dans cet appartement et dans l'immeuble, bien entendu. Donc du coup, c'est pareil en termes de garantie, d'assurance de construction offerte, tout ça c'est... Les assurances. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'assurance, de la garantie légale d'achèvement. Ensuite, on a d'autres garanties légales en matière d'immeuble neuf. Alors déjà, un promoteur, il doit s'assurer, on appelle ça l'assurance dommage-ouvrage constructeur non réalisateur, hein, qui va garantir le bien pendant 10 ans. Et après, vous avez d'autres garanties légales qui vont s'appliquer. C'est-à-dire qu'un acquéreur, quand il va réceptionner son bien, il va encore avoir un mois pour se manifester dans le cadre des vices apparents. Ensuite, il va avoir la garantie d'un an de parfait achèvement. Il va avoir la garantie un an d'isolation phonique. C'est une garantie qui va être propre au premier occupant. Il va y avoir la garantie biennale des éléments dissociables d'équipement. Et enfin, le gros œuvre, l'immeuble, va être garanti pendant 10 ans. Effectivement, très très clair. Du coup, quand on construit un projet immobilier neuf, on s'assure des commodités, les services inclus dans le projet, je sais pas, espace vert, équipement sportif, par exemple, commerce ou autre. Comment ça se passe? Alors, le promoteur, il est quand même tenu par son permis de construire. Et son permis de construire, il est directement rattaché avec la réglementation du PLU ou PLUI maintenant. Donc, il y a des aménagements peut-être obligatoires à faire. Alors, la partie réglementaire de ce PLU peut forcer le promoteur à avoir une certaine surface d'espace vert. Les mairies peuvent aussi demander à ce qu'il y ait, dans le cadre du projet, ben, certains commerces ou éventuellement des crèches. Ça facilite l'obtention du permis de construire. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, on est tenu quand même par la réglementation du PLU. Et quelles sont les options de personnalisation ou justement de modification des logements disponibles pour les acheteurs? Est-ce que c'est possible et dans quelle mesure? Alors, L'acquéreur, il peut aménager son appartement comme il l'entend. Après, il ne faut pas, bien entendu... Il peut pas déplacer les murs, quoi. Voilà, il choisit un appartement sur plan, le mur, il est là, il est là, quoi. Tout à fait. Ouais. Et puis bon, après, il peut être éventuellement soumis à des passages de gaines, hein, parce qu'il y a des gaines qui vont desservir tout l'immeuble, donc là, dans l'aménagement. Alors, c'est l'architecte ou le bureau de contrôle qui nous dit si oui ou non les travaux demandés par les acquéreurs sont possibles ou pas. Et pour rebondir sur ce que dit Muriel, c'est ça aussi qui est intéressant. Un des avantages du coup d'acheter dans le neuf, c'est que parfois dans le neuf, on peut avoir juste des T3 de disponibles ou des T4 de disponibles. Et en fait, vu qu'on peut modifier ces cloisons, on peut par exemple avoir un T3 grand T3 qu'on transforme en T2 avec un énorme salon. Et c'est ce que je dis souvent. Ok, d'accord, vous voulez plusieurs chambres, d'accord, pourquoi? Pour l'ami qui va venir vous rendre visite une fois tous les 3 mois ou quoi. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux que vous gardiez 2 chambres, mais que vous profitiez d'un très grand séjour pour pouvoir profiter pleinement de votre espace de vie, en fait. Et ça, c'est l'avantage vraiment sine qua non du neuf, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait des garanties. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi SRU. Il faut savoir que le délai de rétractation SRU s'applique tant pour l'ancien que pour le neuf. Donc, l'acquéreur qui va se positionner sur un appartement dans le cas d'une vente en état futur d'achèvement bénéficiera également de cette faculté de rétractation. Justement, sur les garanties d'achat sur plan, les VEFA, oui, que tu viens d'en parler, comment ça se passe concrètement après chez le notaire? Il y a des choses qui changent? Alors, bon, moi, en ma qualité de juriste, je fais régulariser avec nos acquéreurs le contrat préliminaire, hein, contrat de réservation. Généralement, ce contrat, il est soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Lorsque le promoteur a un permis définitif, purgé de tout recours et retrait administratif, qu'il a pu obtenir sa garantie financière d'achèvement, qu'il a obtenu son financement pour construire l'immeuble, et enfin qu'il a obtenu son assurance dommage-ouvrage constructeur non réalisateur, à ce moment-là, on passe chez le notaire. Alors le notaire, il a, dans le cadre de vente d'immeubles à construire, il a quand même du boulot. Hein, il a du boulot parce que, dans un premier temps, avant de faire toute chose, il va d'abord faire un acte qui s'appelle un dépôt de pièces. Et il va consigner au rang de ces minutes toutes les pièces constitutives du programme que je viens de vous énoncer. Ensuite, il va établir l'acte authentique de règlement de copropriété état descriptif de division, parce que nos immeubles neufs... Il a tout à créer, finalement. Ouais, nos immeubles neufs vont être soumis au régime de la copropriété. Donc le promoteur, il va saisir un géomètre. Le géomètre, il va faire des plans, notamment au niveau des appartements qu'il aura à créer. Et il va, bien entendu, créer des lots de copropriété en y rattachant les tantièmes de charges, hein, en fonction donc de la surface, de la situation du bien. Donc ce notaire, il va être dans un premier temps tenu de constater le dépôt de pièces, il va également faire l'acte authentique de règlement de copropriété, et enfin il va ensuite procéder aux actes de vente, actes authentiques de vente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé du délai de rétractation, ce notaire il va être tenu en vertu de l'article R261-30 du Code de la construction et de l'habitation, il va être tenu d'adresser au moins un mois avant la signature de l'acte définitif, par courrier recommandé ou par courrier électronique au futur acquéreur, il va être tenu de lui adresser le projet d'acte de vente, le règlement de copropriété, la notice descriptive et toutes les plans, bien entendu, et toutes les pièces annexes. Alors aujourd'hui, dans le cadre de nos ventes, on est tenu de fournir également l'état des risques et pollution des sols. Donc voilà, donc toutes ces pièces-là doivent être notifiées à l'acquéreur au moins un mois à l'avance, avant la signature de l'acte définitif. C'est une question qui est beaucoup revenue. C'est quoi les différents frais de notaire associés à l'achat d'un bien, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien, et à quoi ça correspond exactement? On peut détailler tout ça, oui. Alors, vulgairement, on dit les frais de notaire. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une audit. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Voilà, on dit frais de notaire. Bon. Et vulgairement, on a l'impression que les notaires s'en mettent plein les poches. Oui, voilà, en fait... On a beaucoup de gens qui disent, en fait, tout ça, c'est pour le notaire. Oui, c'est ce qu'on a entendu, en fait. On veut le détail. En fait, non. Dans l'ancien, tout à l'heure, je vous disais, il y a 5,89% du prix qui part à l'État. Donc, c'est pas le notaire. Donc, ça, c'est une taxe pour l'État directement. Oui, okay. Tout à fait. Ça se redécoupe, ça, quand même. Alors, Non, la fiscalité. Non, mais sur la fiscalité. Tout ne va pas dans la poche du notaire, en fait. C'est ça l'État, la question. C'est-à-dire qu'il y a les gens partie... cette impression-là, en fait. Quand je dis l'État, alors vous avez, sur les 5,89, il y a une taxe départementale, il y a une taxe communale, et après, vous avez des frais d'assiette. Mais enfin, bon, on est quand même. C'est service public. Voilà, c'est service public. Le notaire, il va prendre à peu près 2%, mais ça ne va pas être ses honoraires. Ses honoraires, ils vont tourner à peu près à 0,80%. Dans ces 2%, il va y avoir les frais administratifs. Parce que le notaire, il va falloir qu'il demande des pièces administratives avant de faire son acte. Donc c'est vrai que quand on dit vulgairement les frais de notaire, bon, il ne faut pas croire qu'ils sont mis plein les poches. C'est la taxation. C'est le cliché, tout le monde parle des frais de notaire, on pense que la somme va directement dans la poche du notaire. J'ai été pendant 35 ans dans le notariat, j'ai toujours essayé d'expliquer aux clients que finalement, bon, ce n'est pas le notaire qui se met ses sommes dans la poche. Et c'est vrai que les gens commencent à le comprendre quand même, parce que la fiscalité est lourde, notamment dans l'ancien. Effectivement. Pour en revenir rapidement, pour bientôt terminer cette partie promotion, parce qu'après on va parler vraiment argent avec notre courtier, comment on gère du coup les retards de construction et tout ce qui est imprévu, on en a parlé, ça peut arriver. C'est très anxiogène. C'est très anxiogène parce que... Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que déjà, le promoteur, pour pouvoir construire, il a besoin d'un prêt bancaire. Ce prêt bancaire... tant qu'il n'a pas fini son projet de construction et tant qu'il n'a pas vendu, il a lui aussi des intérêts qui sont très lourds. Vis-à-vis des clients, on est des professionnels de l'immobilier, on espère les satisfaire en essayant de respecter un délai prévisionnel de livraison, mais malheureusement, il y a des aléas qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, pas contrôler. Pas que le vent, effectivement, un plaquiste qui se casse une jambe. Dans un programme, là, on termine un programme sur la Ciotat. On a eu deux plombiers qui ont procédé à des liquidations judiciaires. Donc, vous le maîtrisez pas. Et c'est quand un plombier n'est pas sur un chantier, mais c'est tout qui est bloqué. Et donc, ce sont des aléas qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, nous, promoteurs, on languit de terminer notre programme. Et puis, l'acquéreur, lui, il languit de poser ses valises et de rentrer dans son appartement. Oui, petit conseil à acquéreur, du coup, pour le neuf, pour les personnes qui prévoient, les futurs acquéreurs qui veulent acheter dans le neuf et qui prévoient, par exemple, de prendre un logement en attente de pouvoir acquérir un bien dans le neuf et se dire, on m'a dit que ça allait être livré... troisième trimestre 2025, par exemple, prévoyez une marge de manœuvre parce qu'il y a plein d'éléments. C'est systématique, ça ? Est-ce qu'il y a tout le temps des retards ou c'est livré à l'heure ? Mais on sait dans la vraie vie. Livré à l'heure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le métier. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le métier. Voilà. Il n'y a pas de super promoteur. C'est important de le savoir. Il n'y a pas un super promoteur en France. Le trimestre, il faut le compter. Le trimestre, il faut le compter. Si on dit troisième trimestre 2026, c'est plutôt quatrième trimestre 2026. C'est décembre 2026. Là, c'est sûr et certain, ça ne sera pas avant, en tout cas. Et ensuite, si on est vraiment prudent, ça rajoute encore 3 mois. Mais bon, en général, quand même, s'il se passe un problème comme le Covid, par exemple, c'est plein de personnes, mais il y a des personnes qui, là, venaient d'acheter l'appartement et qui attendaient que l'appartement soit fait, mais le promoteur, il peut rien faire là, à partir de ce moment-là. Donc, si vous faites un achat dans le neuf, faites-vous, dans votre prévisionnel, votre marge d'erreur, prévoyez-le, en tout cas. 3 voilà. à 6 mois, du coup. 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. 3-6 mois en plus. Ne vous faites pas surprendre, parce que c'est ça se fait. Voilà, prévoyez-le. Vous êtes dans Faut qu'on en parle, justement, dans l'émission Immobilier. On se retrouve dans quelques secondes. On va être focus sur l'argent. Ça, c'est important, l'argent, hein, Carlos. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75, et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Et oui, focus maintenant sur un métier primordial, celui de courtier. En effet, lorsque l'on achète un bien, on l'achète malheureusement très rarement en cash. On cherche un financement et souvent le meilleur, ce qui va nous coûter le moins cher possible. Donc ce soir, nous avons Carlos avec nous qui travaille chez Andersen Consulting. Carlos, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un courtier ? Bien sûr. Alors déjà, pourquoi passer par un courtier ? Parce que nous avons différents avantages par rapport à un client lambda qui va voir sa banque. Nous travaillons avec toutes les banques. Donc, nous avons les conditions aujourd'hui de toutes les banques qui existent. Donc, l'avantage, c'est par rapport à la cliente ou le client qui arrive nous voir dans le bureau. C'est un agent immobilier peut-être qui nous l'envoie. Donc, c'est pour le rassurer à lui déjà. Ensuite, nous avons des obtentions de prêt qui sont différentes par rapport à si vous allez directement voir la banque. Parce que nous avons des avantages au niveau des assurances de prêt, au niveau des conditions, parce que nous allons régulièrement voir les banques. Et si vous, vous y allez tout seul, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions que nous. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses en disant que les courtiers, c'est bien, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, en fait, nous, notre but, c'est que le client soit satisfait. Pour que le client soit satisfait, c'est qu'il faut qu'on ait les meilleures conditions du marché. Mais c'est ça, là, c'est clairement une question d'argent. Donc, passer par un courtier, il faut que le courtier, ça coûte moins cher. En plus, avant, on disait aussi que le courtier était rémunéré par la banque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus rémunérés par la banque. D'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes comme un avocat. Vous allez voir un avocat, vous payez un avocat. Ben, nous, aujourd'hui, en tant que courtier, c'est la même chose. Donc, vous venez nous payer. Donc, nous, on est obligatoirement issu de vous faire quelque chose de bien. D'accord. Donc, ça marche comme ça aujourd'hui. Et on vous paye après l'obtention du prêt. Alors, aujourd'hui, comme on parlait tout à l'heure des compromis, des actes définitifs, alors nous, on va travailler pareil qu'un agent immobilier. Lui, il va faire les recherches pour un appartement ou une maison. Et nous, ils vont faire les recherches financières. Donc, c'est-à-dire que l'agent immobilier peut m'envoyer une cliente ou un client au mois de mars. S'ils n'ont pas trouvé de bien jusqu'au mois de juillet, je vais continuer à faire les démarches comme il faut que je les fasse jusqu'au mois de juillet. Quand ils ont signé le compromis, à ce moment-là, j'attaque mes démarches administratives. Logique, puisqu'en plus les taux des banques changent, etc. Donc, ça change tous les mois. Toutes les conditions changent tous les mois et c'est pour ça que nous, on a l'avantage d'avoir toutes les conditions. Alors justement, quelle est ta méthode pour évaluer les besoins d'un client, trouver les propriétés qui correspondent et le bon financement? Comment tu t'y prends? Ben après, ça dépend de la demande du client aussi. C'est lui, en fait, qui va nous diriger vers là où il veut aller par rapport à l'agent immobilier derrière. D'accord. L'agent immobilier va nous dire, voilà, j'ai une cliente qui m'a dit qu'il y a tant de capacités. Donc moi, après, pour vérifier tout ça, il faut vraiment que j'ai tous les éléments des clients. Comme je disais, vous allez en banque, vous allez dire, c'est quoi ma capacité? On va vous dire tant. Mais vous oubliez de dire que, par exemple, vous êtes en séparation, que vous avez une pension alimentaire. Vous allez oublier de dire que vous avez un leasing. Donc tout ça, en fait, il faut le prendre en compte. Et beaucoup, beaucoup de personnes ont eu des surprises. Il y a peu de temps, je l'ai eu. Ils ont été en banque, on leur a dit oui, il n'y a pas de souci. Et au final, ils ont signé le compromis. Et après le compromis, ils ont eu le refus. Oui. Donc nous, on n'est pas là pour ça, justement. On est là pour les accompagner. Oui, et puis ce n'est pas ni dans l'intérêt de l'acquéreur, ni dans l'intérêt du courtier, ni de l'agent immobilier. Parce qu'au final, à la fin, rien ne se fait. Personne n'a de l'argent, tout le monde est déçu. Et nous-mêmes. Parce que comme on vous dit, nous, on est payé par le client. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas payé par quiconque. Donc on est indépendant. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit au niveau des clients. Et les coulisses, du coup, lors des négociations avec les banques, ça se passe comment? Ben, en fait, comme je vous disais, ça dépend le client aussi, parce que selon les conditions des banques, ça peut modifier par rapport aux revenus. Donc, c'est-à-dire qu'au plus, aujourd'hui, au plus on gagne, au plus c'est avantageux. Donc, c'est pour ça qu'après, nous... Ça, c'est le cliché, on prête qu'aux riches, non? Plus ou moins. C'est vrai. Ben, c'est plus ou moins vrai, parce qu'après, quand il nous faut de l'apport. Avant, on pouvait emprunter sans avoir de l'apport. Ah oui, ça, c'est une aujourd'hui, question. On est obligé d'avoir au moins 10% de la capacité. Donc... D'accord. Aujourd'hui, on est vraiment, c'est 10% minimum. Ah oui. C'est le ticket d'entrée. Alors, aujourd'hui, ça revient un peu en arrière. Ils acceptent. Oui, parce qu'il y a quelques années de ça, on pouvait même acheter frais notaire bien inclus, sûr, tout ça. On empruntait même, on disait on emprunte 110% parce qu'il y avait aussi les frais de notaire. Exactement. Ça se fait de moins en moins. Mais si je peux rajouter quelque chose sur Carlos avec qui je travaille, c'est que l'avantage du courtier, c'est que Carlos, en fonction du profil des clients, il va savoir quelle est la banque qui correspondra le mieux au profil du client. C'est ça aussi, c'est en fonction du revenu, mais il sait que si là, il y a un entrepreneur et il y a quelqu'un qui a un fonctionnaire, aussi un business, par exemple, qui a un statut de fonctionnaire, il va aller plus vers telle banque parce qu'elle finance plus les fonctionnaires. Tandis que nos clients, on ne sait pas forcément que telle banque est plus adaptée à nos besoins ou pas. Carlos, lui, il le sait. C'est vrai qu'on travaille vraiment avec toutes les banques. Avant, il y avait des centrales, comme vous disiez tout à l'heure, il y avait des centrales qui travaillaient avec certaines banques, mais pas toutes. Mais nous, aujourd'hui, on s'est adapté vraiment à travailler avec toutes les banques. Et on met à la tant fin... Tant mieux, comme ça, ça tire vers les meilleures offres, finalement. Mais en plus, nous, on n'aime pas trop débancariser les clients. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les banques et après, on retourne voir la banque du client pour justement qu'il s'aligne à nos conditions. À nous. Alors ça, c'est possible parce qu'il y a quelques années, il me semblait que les courtiers n'avaient pas le droit d'aller voir la propre banque du client. Bah, écoutez, moi, j'ai toujours fait pareil et je n'ai jamais eu de problème. Ça devait être à l'époque, ça devait être il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça aujourd'hui et j'ai toujours fait pareil. Ok, très clair. Et donc, du coup, comment ça marche pour tout ce qui est honoraire de courtage, finalement? C'est des frais fixes Alors, nous, on a un minimum. Nous avons un minimum avec un 2%, c'est un minimum. Et donc, après, on s'adapte pareil au niveau des clients. On peut demander un peu plus ou un peu moins selon la complexité du dossier. Mais habituellement, on va prendre du 1% de l'acquisition. Oui, sachant que l'idée, c'est vraiment d'être gagnant. C'est-à-dire que je pense que si le client va voir sa propre banque, on va lui proposer tel financement, il va venir te voir, tu vas prendre 2%, certes, mais ça lui coûtera quand même moins cher. C'est l'idée. Complètement, complètement. Après, c'est vrai que c'est un frais, c'est des frais qu'il faut sortir, en plus des frais de garantie, des frais de dossier, des frais de notaire. Mais au final, mais c'est un gain de temps et un gain d'argent. Exactement. Au final, les acquéreurs s'y retrouvent. C'est-à-dire, la crainte de départ de faire appel à un courtier, de faire appel à un agent immobilier, tout ça, elle est complètement justifiée après, quand on a gagné tout ce temps et tout cet argent, au final, qu'on aurait voulu économiser. C'est des petites économies qui valent pas le coup d'être faites pour un projet comme ça. Voilà, qui au final ne sont pas des économies. C'est une illusion de penser de faire des économies comme ça. On a une question de Héloïse qui nous dit « Je suis apprenti, est-ce que je peux emprunter grâce à un courtier ?» Est-ce qu'il peut aider quelqu'un qui est apprenti ? Apprenti, après, il faut voir dans le secteur où il travaille. C'est complexe aussi, donc il faut vraiment tout regarder. L'histoire du fait qu'apprenti est un CDD, c'est ça le souci ? Alors, on a financé déjà des CDD. Mmh. Après, on peut avoir, si vous voulez, par rapport à l'employeur, si on a une attestation d'emploi ou d'embauche, on peut éventuellement le suivre. Mais voilà, il faut l'ancienneté que... aussi ça fait... peut-être dans le parce qu'un apprenti il peut alors, très bien exemple, avoir fait un bac plus 2 puis un bac plus 3 puis un bac plus 5 par exemple dans, ça, la ça fonction, dans la fonction publique on est en CDD avant d'être fonctionnaire donc on est en CDD pendant un laps de temps, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans et on peut prêter à ces gens-là aussi. Et une promesse d'embauche aux yeux de l'État, ça fait foi? C'est pas auprès de l'État, c'est auprès de la banque. Enfin, en fait. Auprès de la banque, pardon, ça convaincre fait en fait c'est... après voilà, c'est selon le métier. Selon le métier. Donc après, on sait qu'aujourd'hui, infirmier, kiné, tous ces métiers-là, il n'y a pas de souci. Après, si vous êtes dans une petite structure et que vous venez de commencer, c'est peut-être moins évident. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils vont prendre en compte une promesse d'embauche pour un infirmier, alors qu'en fait, il y en a à tous les coins de rue, et pas une promesse d'embauche d'un secteur très particulier. Ça n'a pas de poids, ça? Alors, particulier, c'est un poids, une petite structure, par exemple, qui dit, après, je vais embaucher mon apprenti en CDI. Ah non, ça c'est faisable aussi. Okay. C'est faisable aussi. Mais après, comme je vous dis, ça, selon la structure, si la structure est viable, il n'y a pas de problème. Et pour revenir au médical, aujourd'hui, les banques, elles apprécient beaucoup le médical parce que ça marche très bien. Et quelles sont les banques qui se tournent le CDI, on a toujours entendu, il faut un CDI pour acheter. Oui, clairement. Quelles sont les banques sur lesquelles on peut se renseigner quand on n'a pas de CDI et qu'on veut acheter? Alors, quand on n'a pas de CDI, c'est compliqué. Parce que, bon, comme je vous disais... Mais toi, Carlos, tu as déjà réussi à financer des gens dans des cas comme ça. Moi, je suis magicien. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Ah ben là, on a 100 messages, ils vont tous aller chez Carlos. Ils vont tous appeler en personne qu'on s'y signe. Mais c'est à Paris, c'est une agence, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, en plus, que moi, natif, comme je disais tout à l'heure, de la Ciotat, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait avancer la chose, c'est que... Tous les clients, on essaye d'aller au bout et on se bat au maximum pour eux. Donc c'est pour ça que c'est avantageux de passer par un courtier, parce que quand vous allez voir un conseiller à la banque, lui qui vous dit que c'est refusé ou pas refusé, pour lui c'est égal. Mais par contre, nous non. En fait, le courtier, il fait partie du projet de vie. Exactement. On parlait du projet de vie dans l'immobilier. C'est presque un couple, un binôme. C'est plus ou moins ça. On peut dire ça, effectivement. Donc toi, quand tu rentres clairement dans toutes les négociations avec les acheteurs, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à un acheteur ou même à un vendeur, plutôt acheteur quand même de ton côté, pour la première fois qui cherche un financement? Alors moi, pour un acheteur qui commence à chercher, déjà, c'est d'avoir son vrai budget. Son budget, il faut qu'il ait d'entrée pour pouvoir regarder quelque chose. Donc comment il peut estimer déjà environ son vrai budget? On entend souvent la règle des 33%, c'est ça? C'est 35%. 35 avec les assurances. Après, aujourd'hui, on arrive à dépasser ce quota-là parce que, justement, les taux ont très, très fortement augmenté et les banques pouvaient aller jusqu'à 39, voire 40%. Et après, c'est par rapport au reste à vivre aussi. Vous avez un reste à vivre. Ouais, donc ça, si vous êtes c'est important, médecin, parce que beaucoup d'auditeurs nous ont posé des questions sur tout ça. Si vous êtes médecin et que vous avez un reste à vivre de 8000 euros et que vous avez un crédit de 3000 et que vous êtes un peu endetté au-delà de 40, ça passe parce qu'il reste 5000 ou 8000 euros. Exactement, voilà. Au niveau du reste à vivre. Ouais, donc c'est vraiment très important. Oui. Ça faut prendre vraiment toutes les charges. Regardez combien il nous reste. Donc après, oui, on arrive sur on prête qu'aux riches finalement. Plus on est riche, plus on nous prête facilement. C'est pas ça. Après, vous avez des personnes qui gagnent suffisamment bien leur vie, mais pas comme des médecins. Et on leur prête autant. Eh bien, on va pouvoir dériver tranquillement sur la dernière partie de notre émission. On se retrouve dans quelques secondes sur Faut qu'on en parle. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Faut qu'on en parle. Et oui, on l'a dit, dans l'immobilier, il faut avoir un bon réseau. On l'a dit toute l'émission. Hein. Quelles sont les premières étapes pour construire du coup un réseau efficace dans ce secteur ? Moi, je pense que le réseau, c'est déjà le temps. Il faut des années pour avoir déjà pas mal de clientèle et être sérieux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on n'est pas sérieux dans notre boulot, si on n'apprécie pas ce qu'on fait, ça peut pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut, rester dans le temps et c'est à ce moment-là que vous voyez que ça dure pour tout le monde et ça persiste. Maxime, comment développe son réseau ? Bah ouais, complètement. La question, Mylène, c'est comment se créer un réseau, c'est ça ? Ouais. Hein, comment se créer un réseau ? Bah déjà, c'est être professionnel, aimer ce qu'on fait, parce que ça se ressent. Hein. Je pense que tout ce qu'on fait dans notre vie, si on rencontre des professionnels qui aiment ce qu'ils font, on le voit et on a envie de les recommander à nos proches. Hein, c'est toujours pareil. Vous allez dans un bon restaurant, si le serveur est sympa, si la nourriture est de qualité, eh ben vous allez en parler à vos proches, vous allez dire « allez-y ». Donc je dirais, le plus difficile, c'est d'avoir ses premiers clients. Et après, le réseau, on le crée justement fait boule de neige. Et après, le réseau, le tissu relationnel qu'on a, on va effectivement le travailler. C'est-à-dire qu'en tant que ce soit courtier, conseiller immobilier, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va aussi se rapprocher des professionnels du secteur. Carlos a des clients. Ses clients peuvent m'acheter un bien demain. Moi, j'ai des clients demain qui peuvent avoir recours à un prêt relais ou qui peuvent demander un prêt. Donc, le réseau interprofession, c'est très important parce qu'on recommande des professionnels de confiance. Et ces professionnels de confiance, il y a les vases communicants derrière. Et ça, c'est quand il y a un client qui rentre, si vous voulez, dans notre portefeuille, nous, l'avantage, c'est qu'on peut lui proposer les meilleurs professionnels du secteur. Et ça, c'est un vrai gage de qualité. C'est une réelle plus-value pour nous. Donc, le réseau, il se fait comme ça. Il se fait avec du relationnel, on travaille avec des professionnels de confiance et après c'est en faisant du bon travail. Donc ça peut permettre de détecter un bon agent immobilier. On peut demander à son agent immobilier, est-ce que vous connaissez un courtier à me conseiller ? Complètement. Oui, je travaille avec, machin, truc. Complètement. Donc, et moi je rajouterais une petite chose là-dessus, c'est que nous chez IAD on travaille avec une application qui s'appelle PropertyPs et qui permet de rémunérer le bouche-à-oreille. Donc PropertyPs c'est quoi ? C'est une application qui a été créée en 2016 par des conseillers immobiliers parce qu'ils se sont dit c'est dommage, hein Mylène ? Demain, tu vas manger dans un restaurant, par exemple. Tu aimes bien ce restaurant. Tu vas en parler à des amis, mais tu ne seras pas rémunéré pour ça. Pourtant, tu auras fait la pub de ce restaurant. Hein, le bouche-à-oreille, on a tendance à dire que c'est la pub la plus importante. Et nous, partant de ce postulat, en se disant, demain, moi, si j'ai quelqu'un qui me recommande pour la vente d'un bien immobilier, in fine, il va me faire économiser du temps de prospection, du temps peut-être de démarchage téléphonique, etc. Et nous, en fait, on va mettre à profit ce temps qu'on aura gagné au profit justement de cette personne qui nous aura recommandé à faire. Donc, demain, via cette application PropertyPs, vous pouvez la télécharger. Hein. Via cette application PropertyPs, vous pouvez recommander le meilleur professionnel d'un secteur. Donc, il y a plus de 20 000 professionnels qui sont référencés sur toute la France dans l'immobilier. Vous pouvez référencer le meilleur professionnel du secteur et vous serez rémunéré en moyenne 500 € pour une mise en relation. Donc, ça, c'est important. Et nous, on marche beaucoup, beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, il y a des... Ça apporte beaucoup d'affaires, ça. Énormément d'affaires. Mmh. Et d'ailleurs, on organise tous les mois et un peu dans toutes les villes de France des afterwork PropertyPs qui permettent de rencontrer tous les professionnels du secteur, de parler, etc. Et c'est comme ça qu'on fait du business, évidemment. C'est carrément, ça devance notre question suivante, puisque justement, on voulait savoir quelle stratégie vous aviez pour entretenir et maintenir son réseau. Mais moi du coup, tu as donné ton avis en tant qu'agent commercial. Moi, du coup, je vais donner mon avis en tant qu'agent immobilier à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est qu'au niveau de nourrir le réseau, parce que là, pour le coup, quand t'es agent immobilier, tu peux vite avoir quelqu'un qui te prend ta vente, ou alors tu peux avoir quelqu'un qui vend un appartement et qui te coupe ton travail. En fait, au final, le client vient te voir et dit voilà, j'ai besoin d'aide pour chercher un appartement, tout ça. Et au final, le client va aller directement voir le propriétaire. Et alors, toi, t'as un mandat, tout ça. Et au final, t'es complètement lésé dans le game, quoi. Donc, nous, en tant qu'agents immobiliers, chez Campo Immo, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit notre réseau, en fait. C'est-à-dire qu'on fait preuve de confiance. On travaille un petit peu à l'ancienne, au final. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on met l'humain au cœur de nos relations. C'est-à-dire qu'on fait preuve d'empathie. On croit que quand on rencontre une personne et qu'on fait un deal, on va jusqu'au bout de ce deal. On tient nos paroles, on va jusqu'au bout de nos paroles. Et quand il y a affaires qui sont faites, on va jusqu'au bout de l'affaire. et tout le monde est nourri à travers le réseau. C'est-à-dire que si vous êtes apporteur d'affaires et que vous nous dites « voilà, ben, mon voisin il a quelque chose à vendre », eh ben, vous serez noté, on saura que c'est vous. On n'a pas besoin de développer sur énormément de personnes parce qu'on fait du travail vraiment de proximité. Donc nous, vraiment, c'est travailler la qualité des clients et la qualité de notre réseau. Et surtout, c'est que chaque partie prenante de la vente ou de l'achat immobilier sera rémunérée. Et tout ça un petit peu finalement à l'ancienne, mais nous c'est les valeurs auxquelles on tient en fait, parce qu'on travaille avec des humains et nous l'humain c'est vraiment au centre de nos activités pro, et c'est comme ça que notre réseau est aujourd'hui solide et fonctionne correctement, parce qu'on a des personnes qui sont humaines et professionnelles, et quand on a ces deux qualités qui sont alliées ensemble, eh ben on arrive à faire de belles choses. En fait, c'est privilégier l'accompagnement. Complètement. Jusqu'au bout. On parlait du projet de vie. Ouais. Ouais, c'est ce qu'apprécient les clients, en fait, quand on les accompagne. Ouais, c'est vraiment clairement la philosophie de l'émission. On a bien compris qu'effectivement, vous n'êtes pas des gens qui font du one shot, j'allais dire. C'est vraiment un projet global d'accompagnement. Et quand on n'est pas professionnel, est-ce que c'est important, quand on cherche un bien, de se construire un réseau via LinkedIn, via les réseaux sociaux, les plateformes en ligne? Un réseau de professionnels dans l'immobilier ou pas forcément? Ouais, c'est toujours important. Bah, si vous voulez, on en a parlé tout à l'heure avec Tanguy, c'est que généralement, demain, vous voulez mettre en vente ou acheter un bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler quelqu'un que vous connaissez. Donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez par un réseau professionnel, pourquoi pas? Ça fait déjà une première approche. On a un point commun, on se connaît via LinkedIn, donc ça on est entre pairs, forcément. Je dirais, et ça amène un lien de confiance. Et je pense qu'on l'a vu tout au long de l'émission, c'est que le mot confiance, il est au cœur de tous nos métiers. C'est-à-dire que s'il n'y a pas confiance, il n'y a pas business. Et si on veut avancer, il faut qu'il y ait de la confiance. Donc oui, il faut pas hésiter à solliciter un peu des personnes qu'on peut avoir sur nos réseaux sociaux pour savoir si on a des bons professionnels dans nos contacts pour passer par eux, parce qu'il y a déjà un petit lien. Effectivement, est-ce qu'il y a d'autres conseils, par exemple, pour un peu optimiser tout ça? Le bouche à oreille, on en a parlé. Donc ça, il y a des choses qui se passent de ton côté. Toi, Tanguy, le bouche à oreille, c'est quelque chose de primordial aussi? Ah oui, absolument. Mais nous, on n'utilise pas tant que ça les réseaux sociaux. Alors en plus, c'est étonnant parce que c'est une jeune agence. On est quand même une agence en ligne et tout ça. Mais en fait, la plupart de nos ventes se font justement par le bouche à oreille. Et en fait, c'est ce qui nous permet de conserver vraiment une qualité d'accompagnement. C'est-à-dire que toute la partie traitement de messages digital, toute cette partie-là en tant que petite structure, parce qu'on est une structure familiale, une petite structure, on peut vraiment consacrer notre énergie, notre temps à des véritables relations humaines. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, quelqu'un qui nous contacte sur Instagram, on ne va pas poursuivre les conversations sur Instagram, on va vraiment les amener à les rencontrer et à discuter avec eux, parce que pour le coup, alors je suis très pro digital pour tout le reste, mais vraiment sur ça, sur l'immobilier, sur l'immobilier, même si ça permet de générer du lead, donc c'est-à-dire des prospects, de générer des points de contact, ça permet aussi de mettre en lumière les biens qu'on a à commercialiser. Nous, en tout cas, on est un petit peu sur justement cette stratégie pour pouvoir conserver ce travail de qualité et cet accompagnement très proche de nos clients. Et aussi parce que on a certains clients qui souhaitent avoir de la discrétion, et ça amène sur un sujet qui est essentiel dans l'immobilier, c'est le off-market, c'est-à-dire que la plupart des biens que vous voyez sur les agences ou en ligne, ça ne veut pas forcément dire que cette agence possède tous ces biens. Il y a beaucoup de biens qui ne sont pas mis en ligne parce que déjà, ça peut faire perdre la valeur d'un bien, c'est-à-dire que si vous voyez un bien qui est diffusé sur toutes les plateformes, ok, d'accord, il est partout, il va se vendre, ok, mais... Ou pas, justement. Mais ouais, parce ou qu'il pas, est partout, et pas tu vas prix, perdre etc. la valeur du bien. Alors nous, on travaille différemment à ce niveau-là, c'est que un peu. Exactement. Garder des trucs sous le coude à proposer. Et en fait, c'est un privilège de pouvoir j'aurais pas la prétention de dire collaborer avec nous parce que ça serait un petit peu trop, mais c'est-à-dire que les biens quand ils arrivent, c'est un véritable privilège quand vous les présentez et que vous les découvrez, et ça crée toute une expérience autour de l'achat immobilier aussi et autour de ce projet de vie. Et c'est vraiment ça que nous on prône, c'est ce contact vraiment proche et cette exclusivité sur le bien, que ce soit pour un bien à 2 millions ou 3 millions d'euros, que pour un petit studio à 200 000 ou 250 000 euros. On travaille vraiment de cette manière-là pour pouvoir être au top sur ce qu'on propose à nos clients en termes d'expérience. Voilà. Donc, trouver la perle rare en restant des journées sur des applications, bon, etc. Mauvais plan. Donc, allez voir les professionnels. Mais c'est clairement, allez-y, on en c'est clairement ce qu'on vient de dire pendant quasiment deux et heures. Et combien de professionnels faut... Enfin, j'imagine qu'il ne faut pas aller voir toutes les agences de ah oui, toute sa ville. C'est une bonne question. Combien de professionnels... Alors, moi, je peux répondre en partie à cette question. Notre société, elle s'américanise un peu et dans beaucoup de business. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, les clients ont leur agent immobilier acquéreur leur courtier aussi. Et il y a un agent immobilier vendeur. Et nous, par exemple, chez IAD, on est une vingtaine sur Aciota. On a tous notre portefeuille client. On a des clients avec lesquels on est proche. Et en fait, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de partage d'affaires. Donc en fait, en tant que client, on n'a pas besoin d'aller voir plusieurs agences. On peut aller voir une agence qui, elle, nous proposera les biens de toutes les autres agences. Donc, lui s'occupera de la recherche. Il aura bien lu notre fameux cahier des charges. Il aura bien compris nos besoins. Et puis derrière, eh ben, ce sera un peu notre référent immobilier. Il défendra nos intérêts. Si demain, il doit y avoir négociation, il nous trouvera les biens. Il viendra avec nous pour les visites. Donc, il faut peut-être en voir plusieurs pour trouver cette fameuse personne de confiance. Mais je pense qu'il ne faut pas démultiplier les professionnels. Parce que c'est toujours pareil. Si on va en voir 10, bah, les 10... travailleront pas vraiment dessus. Il vaut mieux vraiment confier sa recherche à un professionnel de confiance. Effectivement, c'est assez clair. Un petit mot supplémentaire sur le sujet, Muriel ? C'est logique ? Alors, tout à l'heure, j'ai pas parlé comment le promoteur immobilier commercialisait ses produits. En fait, il a deux solutions. Soit il fait appel à des professionnels comme Maxime, hein, qui ont une agence immobilière, et à ce moment-là, donc, on leur donne à commercialiser le programme. Et il y a des promoteurs, hein, des gros institutionnels en règle générale, qui, au sein de leur entreprise, hein, ce sont des gens qui sont salariés, qui vont prospecter, hein, pour trouver des acquéreurs susceptibles d'acheter sur plan. Eh ben, c'est parfait tout ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On recevait donc Tanguy Campo, qui est directeur d'agence à Campo Immo. Merci beaucoup Tanguy. Merci tout le monde. Un mot pour clôturer cette émission, Tanguy. Gardez la pêche. On avait Maxime Morin, agent immobilier chez IAD. Merci. Merci à vous et merci à tous. C'était et le petit mot. C'était très sympa d'échanger avec des professionnels de l'immobilier. Professionnels de l'immobilier, on peut garder très, ça. Très chouette, okay. Très, très chouette. On avait reçu aussi Carlos Diaz, qui est directeur d'agence et courtier en prêt immobilier chez Anderson Consulting à La Ciotat. Merci beaucoup, Carlos. C'est un petit mot aussi. Merci à vous et c'est très, très bien. À refaire. Et enfin, Muriel Scarcelli, qui est au service juridique de la promotion immobilière chez SN Immobilier. Une bonne soirée à tous et j'ai vraiment passé un moment très agréable en votre compagnie. Et bien, merci voilà. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, à avoir réagi sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP, de nous suivre sur notre site internet tous les jours où nous publions des actualités. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour et une oui, prochaine enquête. C'est tout à fait sur le www.fauquonenparle.fr en attendant et sur tous les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.